ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la septième dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis Corentin et bien évidemment pour l'épisode du jour, le retour des super-héros, je suis avec Super Melvin, comment vas-tu ? Toujours en forme, toujours aussi super. Évidemment. Aujourd'hui, on se retrouve pour la conclusion de la phase 3 du MCU. On va s'attaquer au dernier film. C'est l'avant-dernière phase du MCU, le grand final, même le grand final, littéralement. Toi, Melvin, cette dernière phase, enfin, cette deuxième partie de cette avant-dernière phase, excuse-moi, comment est-ce que tu l'as suivi en salle? Est-ce que tu l'avais aimé? Qu'est-ce que c'était pour toi? Oui, je l'ai suivi en salle. Enfin, en tout cas, sur les 5 films, j'en ai vu 3 en salle. J'avais pas vu Infinity War, que j'ai mis beaucoup de temps à rattraper en fait, parce que tout le monde avait tellement parlé que je me suis dit, pas besoin de le voir, je connais tout le film. Et j'avais pas vu Captain Marvel, mais bon, ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer, je ne pense pas. Et tous les autres, je les avais vus en salle, et franchement, je crois que c'est une des pires parties du MCU pour moi. C'est une des plus dures à suivre. Aïe! Moi, au contraire, c'était. Alors, j'ai tous vu en salle. J'avais démarré avec. Pour préciser, c'est 5 films dont on va traiter aujourd'hui. Donc, c'est les deux derniers Avengers, donc Infinity War et Endgame, les deux gros morceaux. Et entre ce film, on a donc Ant-Man et la Guêpe, le meilleur, Captain Marvel et Spider-Man Far From Home. Alors, je vais pas mentir, je vais pas donner mon avis actuel. Il se peut qu'il y ait quelques twists au fur et à mesure de cet épisode. Mais si je prends par film, je sais que Infinity War avait quand même été une claque, mais quand même un sacré morceau. J'étais ressorti assez impressionné, d'autant que, j'en parlerai lorsqu'on sera sur le film, mais au début, j'y croyais absolument pas. Au film, je n'y croyais vraiment, vraiment absolument pas. Pour moi, c'était littéralement... tu sais, ils avaient teasé, 70 héros, des trucs de 3 heures. À l'époque, je me disais, mais comment tu veux rassembler 70 personnes dans un film, en fait, j'y croyais pas. Et après ça, on avait eu les films solo, je sais qu'on avait eu Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel, où j'étais ressorti un peu, ouais, surtout de Captain Marvel. Ant-Man et la Guêpe, je m'étais éclaté devant, vraiment, j'avais trouvé ça super cool. Et Captain Marvel, j'étais ressorti un peu plus mitigé, mais, avec quand même un truc intéressant que je retenais du film. Endgame, Far From Home, je m'étais senti insulté par ce film. Vraiment, viscéralement. Et Endgame, j'avais trouvé ça... Allez, je lâche le mot, j'avais lâché ma larme. Vraiment, j'avais trouvé ça très, très, très, très fort. Et on va voir comment on l'a réévalué. On démarre avec le premier film. Un gros morceau, directement. Avengers Infinity War en 2018. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos. Nous avons un avantage. Il va venir à nous. Nous avons ce que veut Thanos. Et nous l'utiliserons. Bon, parlons un peu de votre plan. Je le trouve excellent à ceci près qu'il est nul. Alors laissez-moi faire le plan et comme ça, il sera beaucoup mieux. Bravo. La fin est proche. Quand j'en aurai terminé, la moitié de l'humanité aura la vie sauve. un parfait équilibre. Comme toute chose devrait l'être. Souhaitons que le monde se souvienne de vous. Au fait, je m'appelle Peter. Docteur Strange. Oh, on sert de nos pseudonymes. Dans ce cas, je suis Spider-Man. Donc Avengers Infinity War sorti en avril 2018, parce qu'avec le MCU, il faut toujours préciser les mois, on en a à peu près 3 par an. Oui, la cadence s'est accélérée. C'est réalisé par les frères Russo, encore et toujours, qui remplacent Joss Whedon sur les Avengers. Donc, ils avaient déjà fait le dernier Captain America, entre autres. Et c'est scénarisé par Christopher Markus et Stephen McFeely, qui, pareil, on a déjà parlé de nombreuses fois. Et je me permets de faire une parenthèse sur ces bonhommes-là. Je trouve ça, alors peut-être je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve ça quand même extrêmement impressionnant. Parce que tu vois, les frères Russo, on retient leur nom. Bon, déjà parce que c'est des frères Russo, c'est simple et tout ça. Mais... Enfin, ces deux scénaristes-là, qui ont quand même scénarisé Captain America, ils étaient sur le 3 aussi, il me semble. Oui. Ils ont fait Thor 2, bon, ça, c'est pas terrible, mais ils ont fait les deux derniers Avengers, qui ont fait, je sais pas, au cumulé, ils ont dû faire au moins 4, voire 5 milliards de recettes. Ils sont quand même, enfin, on peut estimer que ce sont quand même parmi les personnes les plus importantes dans le divertissement en ce moment. Enfin, je veux dire, ils ont quand même représenté un sacré pan du MCU. Ils ont fait deux Narnia sur 3 aussi. Oui, bon, les derniers, je ne sais pas s'ils avaient eu un certain succès, mais... Non, mais je veux dire, ça reste connu quand même, c'est pas... Oui, c'est voilà. Du gros. Et on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas qui sont ces gens, je trouve ça... Enfin, je sais pas, ça me fait... Je trouve ça un peu étrange, après, bon, après, je suis désolé de t'avoir interrompu, je te laisse reprendre. Non, t'en fais pas, on les retrouvera sur The Gray Man, sur Netflix, le prochain film des frères Russo. Ben, faut croire que la collaboration, c'est bien entendu, d'ailleurs, The Gray Man, que j'attends de plus en plus, je pense. Tout ça parce qu'il y a Chris. Et ben, honnêtement, oui. Avec une moustache. Ah, mais la moustache. Ça fait. Ouais, non, la moustache, il faut le voir pour le croire, hein, quand même. C'est... faut dire. Tu vois, tu fais. Si vous le dites. À la photo, on a Trent Opaloche, qui en est déjà parlé aussi vite fait, et qui est notamment sur les photographies des films de Neil Blomkamp. Ouais, c'est le chef de Blomkamp qui avait fait tous les films des Russo. Voilà, il n'est pas si mal dans les films de Blomkamp, quoi. Et à la musique, on retrouve Alan Silvestri, encore et toujours, donc sur les premiers Avengers, sur le futur. Et Van Helsing. Beaucoup de trucs. Très, très grand compositeur. Le casting, j'avais le choix entre énoncer les 70 super-héros ou me tenir à juste Peter Dinklage, dont on n'a jamais parlé. Je vais me limiter à ça. Notez sur ma fiche très précisément avec Peter Dinklage et beaucoup de monde. Mais non, mais j'ai fait pareil, j'ai juste mis tout le monde. Parce que oui, on en retrouve vraiment tous les personnages dont tu as parlé dans les épisodes précédents, ils sont là, absolument tous. Bah c'est sur ça qu'était basée toute la com du film. Voilà, c'est ça, et le film était lancé en 2014, juste après Avengers 2, pour un film qui devait être en deux parties. Donc, nommé déjà Infinity War avant que ça perde, avant que le Endgame change de nom. En 2016, on apprend qu'il n'y a que le premier qui sera Infinity War et qu'il faisait toute la communication effectivement en disant qu'il y aurait 68, une réunion de 67-68 super-héros. On a tous déjà vu un truc. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça se fait, plus ou moins. Et petite anecdote, la bande-annonce à l'époque a battu le. Je crois que c'est le premier Marvel qui faisait ça, à battre le record de bande-annonce, de vues sur une bande-annonce, qui battait ça, le film. Avant qu'un autre film de cette sélection rebatte ce record. Voilà, c'est ça. Mais c'est un des. Les Marvel ne battaient pas comme ça avant, et là, ça y est. Et j'étais étonné de savoir que c'était la bande-annonce de ça, de l'adaptation de Stephen King, qui est récente, qui avait le record de vues sur bande-annonce avant. Je ne sais pas trop, mais. Bah, c'est pour le statut culte, parce que regarde, la première version des années 90, bon, faut pas la revoir, j'en avais un souvenir traumatisant de moi enfant, et je l'ai revu, et non, c'est pas non. Et Si, il y a quand même un statut culte, et oui, et moi je faisais partie de ceux qui attendaient ce film énormément, et puis j'ai vu le 2, et le 2, bon, bah, le 1 était sympa, le 1 était sympa. J'ai pas vu, j'ai vu que le 2. Bon. Le 1, je trouve vachement bien, c'est un très très bon film d'horreur, et le 2 est une merde, on peut dire ça. Mais bon, on s'égare, et j'ai pas grand chose de plus à dire sur la fiche technique, parce que c'est toujours la même chose, et voilà, juste ça a fait quand même très très forte impression quand c'est sorti, avec un budget record à 321 millions. Ouais, c'est le plus gros à l'époque, pareil pour le MCU, et qui a rapporté 2 milliards de box office. C'est complètement dingue, quoi. C'est des chiffres, c'est même plus imaginable. Quoi. Mais surtout, ce qui m'épate, c'est que c'est les budgets faramineux de 321 millions. C'est énorme. Mais tu sais très bien qu'ils vont rentrer dans leurs frais de façon et rapporter énormément plus. Bah, sur ça, justement, j'ai un axe pour en parler. Mais bon, même le Cléopâtre de Mankiewicz, qui était réputé pour être le film le plus cher jamais tourné, qui est un film qui a une durée, je crois qu'il fait plus de 4 heures, voire 5, c'est complètement dingue. Il n'atteignait pas ses buts, ses hauteurs-là avec l'inflation. Et là, ils le sortent deux fois en 2 ans, en fait. C'est... Complètement dingue. Tu nous résumes le film rapidement ? Oui. Donc, c'est la suite C'était quoi ? Le dernier, c'était Black Panther, hein, c'est ça ? Ouais, c'était Black Panther juste avant. Et donc, c'est la... Alors, juste, est-ce que tu as la durée du film ? Ouais. Il dure 149 minutes, donc 2h30. Ouais, donc on est sur ces durées-là, d'accord. Oui, c'était... C'est comme... Enfin, Endgame, c'est plus, mais... Je trouve ça hallucinant. Je sais que là, il y a quelques minutes en fait, il y a eu un communiqué d'une des chaînes américaines comme quoi Thor Love and Thunder allait durer un petit peu moins de 2 heures. Et je trouvais ça hallucinant d'apprendre en fait que c'était la durée d'un Marvel, la durée la plus courte d'un Marvel depuis justement Ant-Man et la Guêpe, qui durait aussi 2 heures. La durée moyenne maintenant, c'est 2 heures. Je trouve ça fou, quoi. Mais la tendance, avant ils augmentaient la durée des films, c'était de plus en plus long, mais on revient à des films plus courts, parce que regarde, à Thor 2 heures, Doctor Strange 2, pareil, il était pas long. Je sais plus combien de durée, mais c'était pas long. Pour voir que c'était un gros film comme ça, il était censé y avoir plein de caméos, tout, enfin un film très dense, et au final il durait 2h10, un truc comme ça. Ouais. Enfin bref, vas-y, je t'ai à nouveau interrompu, je te laisse donc nous le résumer. Donc voilà, donc c'est la suite de Black Panther et des Avengers en général. Et donc Thanos, qui a quand même été bien introduit jusque-là, veut récupérer les 6 pierres d'infinité. Et donc on suit son périple pour suivre les 6 pierres d'infinité dans plusieurs pays, en suivant plusieurs équipes de super-héros. Et en gros, c'est plus ou moins... Il n'y a pas vraiment... Il y a une histoire, mais c'est grosso modo plusieurs histoires, plusieurs endroits, quoi. Plusieurs arcs. Donc, au global, c'est comment les Avengers et Thanos sont en quête des pierres d'infinité pour les retrouver avant l'autre. Le premier voulant sauver l'univers et le deuxième voulant, si je dis pas de bêtises, annihiler la moitié, faire disparaître la moitié des êtres vivants pour préserver les ressources de l'univers. Voilà, c'est ça. Puisque tu ne l'as pas aimé, je te propose de démarrer. Non, c'est pas lui que j'ai pas aimé. Lui, c'est au contraire, je l'ai vu très tard. C'est étrangement, comme je le disais, c'est un des Marvel que j'ai vu le plus tard possible. Avant, tous les autres, je les ai vus avant lui. Et non, pour le coup, j'ai des soucis avec, mais je trouve que pour. Tu sais que mon amour pour les films longs, 2h30, il dure 2h30, ce qui pour toi est une heure de trop. Voilà. Et non, 2h30, c'est très dense et je trouve que ça marche très bien là-dessus. On arrive à voir tous les personnages avec une histoire qui était... On voit vraiment que tout ce qui était monté auparavant, ça a un but et c'est ce film qui le montre. Et de ce fait-là, je le trouve très intéressant. Et le fait qu'on voit plein d'endroits, plein d'arcs partout, ça... Les 2h30, on les voit pas passer et ça rajoute un côté encore plus intéressant à l'histoire. Alors oui, après, il y a des défauts dans la mise en scène, mais ça, c'est Miran Frère Russo, si tu veux dire, à chaque fois, de toute façon. Bien que ce soit pas là le plus flagrant, mais non, dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé. Alors, moi, comme je l'ai dit, quand j'ai découvert le film, j'y croyais absolument pas. C'est-à-dire que vraiment, je me disais, mais comment tu veux faire tenir 70 personnages? Bien, 70, il faut quand même prendre conscience, parce que là, on a pu, quand on, du coup, on a refait tout le MCU, et en fait, c'est quand même le deuxième Avengers, il n'est pas à cette échelle-là, quoi. Enfin, bref, c'est absolument hallucinant. Et bah, comme je l'ai dit, ça avait été quand même quelque chose de fort. Déjà, on est forcé d'admettre que c'est de la belle ouvrage. C'est-à-dire réussir à recouper toutes ces histoires entre elles, à donner un tout à peu près cohérent, c'est quelque chose. Enfin, ça demande quand même un certain talent. Et bah, je pense notamment aux films qui viendront après. Je pense en particulier à Black Widow, Captain Marvel un peu, mais surtout Black Widow, vont souffrir du problème des midquels parce que ce film est le dernier Marvel, avec à nouveau peut-être Captain Marvel, en tout cas le dernier Marvel qui est censé être dans le présent, je me comprends pour les films à venir, qui se passe dans notre temps, parce que Endgame, on l'oublie, mais il se passe 5 ans après, il se passe en 2023. Et non, Infinity War, ça avait été une sacrée tarte, j'avais un petit peu peur de le revoir, parce que je me disais, est-ce qu'il tient ces 2h30, est-ce qu'il arrive à faire quelque chose? Et donc déjà, bah, premier truc qui a de la gueule, c'est le méchant. C'est-à-dire Thanos, bah Thanos, quoi, il en impose, au-delà du fait que. Alors, j'adore la VF de Thanos, tu pourras sûrement nous en dire un mot. Mais. Thanos, interprété Comment? par Thanos, interprété par Josh Brolin, du coup, Ouais, un acteur Josh Brolin, que j'aime vraiment beaucoup. qui est d'ailleurs à l'origine de la pire blague de Deadpool 2, qui est Deadpool qui fait ta gueule Thanos à Josh Brolin. C'est pas très drôle, mais. Bref. Et Thanos, bah, il en impose, quoi. Au-delà de sa performance, au-delà de la pure performance technique du personnage qui est quand même bah, assez impressionnante, je trouve que le personnage arrive vraiment à être bah, écrit, en fait. C'est-à-dire que les méchants de Marvel, on a vu sur les derniers épisodes que bah, ça prend en intérêt. On a vu avec Killmonger, qui certes était pas le personnage le plus subtil, mais qui était quand même, on va dire, compréhensible. Enfin, compréhensif. Non, pardon, qu'on pouvait comprendre, j'y arrive. Et on va la voir aussi sur d'autres méchants de cette phase-là. Et là, Thanos, tu te dis, bon, je suis peut-être pas d'accord avec les méthodes, mais le fond de la pensée peut se comprendre. À la limite, tu te dis, pourquoi pas. Et même sur la mise en scène des Russo, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que là, en 2h30, ils arrivent quand même à se poser, à composer des plans. Enfin, on n'est pas dans du Aronofsky, hein, mais à composer quelques plans qui ont vraiment de la gueule. C'est qu'il y a un plan que j'aime beaucoup. C'est Thanos qui vient de récupérer la pierre de l'âme, il me semble. Après avoir, bon, on spoile comme des porcs, hein, mais après avoir du coup jeté Gamora, et tu le vois, enfin c'est une image qui est assez connue, mais tu vois donc Thanos qui se lève au milieu de l'espèce d'eau avec une porte au bout, et je trouve que le plan est quand même assez beau. Je sais pas si Oui, tu te si, parles. si. Il y a une jolie photo, en fait, dans certains endroits. Voilà, Notamment celui-là. sur Endgame, je pense vraiment à quelques scènes. Après, oui, les Russo ne sont pas des esthètes, mais je trouve qu'ils prennent le temps quand même de poser quelques plans comme ça. Et même sur toute la bataille de fin, bah, ça claque. Alors, ils ont un peu triché sur celui-là. On n'a pas 70 héros dans la bataille de fin, j'ai pas compté, on doit en avoir peut-être 30 max. Mais parce qu'en fait, on a deux batailles en parallèle. On a sur Titan, donc où Quill le débile va, enfin, Quill, alors c'est Star-Lord, Iron Man, Doctor Strange et Spider-Man, c'est ça? De mémoire, oui. Et Drax, le pauvre, tout le monde oublie, qui donc affronte Thanos et sur Terre, donc Captain America et d'autres, affrontent l'armée de Thanos. Et bon, là, en gestion de l'espace, j'avais complimenté la gestion de l'espace sur Avengers 1, on n'est pas sur ça, mais je trouve que la bataille a un impact émotionnel plus fort que Avengers 1, potentiellement dû aux 20 films qu'on a eu juste avant toi. Pour toi, moi, ce que je vois dans ce film-là, c'est la première partie de. C'est un peu. Enfin, si je donne une comparaison un peu bâtarde, on va dire. C'est un peu la bataille du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, c'est la première partie de la conclusion qui amorce quand même quelque chose et qui représente surtout quelque chose dans la conclusion de 10 ans de divertissement par Marvel. Pour toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de toute cette. Parce que la dernière heure du film, quasiment, c'est une bataille. Pour toi, qu'est-ce que ça a été? Je laisse tout nous dire. Et non, comme je disais, c'est impressionnant. C'est la première fois qu'on voit autant de héros réunis, que ce soit pas 60, mais que 30. C'est déjà quand même énorme. C'est des personnages avec qui on a grandi pour la plupart, enfin, en tout cas pour nous, qu'on a vu évoluer. Je pense à Captain America ou Iron Man. Et, nos deux préférés. Oui. Moi, je suis plus Drax, tu vois. Le pauvre. Mais c'est super triste. Genre, lui, vraiment, il aurait toujours été bolossé dans tous les films, quoi. Maintenant qu'il va arrêter. Ah là là. Et on espère qu'il aura un bon rôle dans le 3. Bah, peut-être qu'il va surtout mourir. Hein. Et qu'il arrête. Moi, je dis ça, je dis rien, mais Robert Downey Jr. a arrêté son contrat, il est mort. Et Chris Evans a arrêté son contrat, ils l'ont fait vieillir pour qu'il ne joue plus Captain America. Donc bon. Ils vont faire Drax partir sur une planète paradisiaque avec Mantis. Ouais, et des cheveux longs blancs et des rides. Et non, enfin bref, non, c'est impressionnant quoi, comme scène de fin. Et même si ça va pas être super bien filmé, même si la gestion de l'espace va pas être folle, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu. Et c'est l'aboutissement de tous ces films, comme tu dis, on en arrive tout ça pour ça en fait. Et ça marche. Et ça marche, et on veut voir la suite. Le seul souci que j'ai avec la fin, c'est que bah, c'est comme toutes les premières parties, c'est que ça fait première partie. À la fin s'arrête et tu dis que ben, t'attends la suite. Et t'as ce goût que j'aime pas, moi, j'aime pas ces films en première partie, ou même ça marche avec Retour le futur 2, j'ai toujours du mal avec ça, c'est que ça fait pas un film pour moi. Ça s'arrête comme ça, tu peux pas, c'est pas possible. Bah, et t'as un goût d'inachevé, et t'as un début mais pas de fin. Sur ça, je suis pas forcément d'accord, au contraire, je trouve que le film se tient en stand-alone. Je pense toute la fin qui se termine sur le snap de Thanos et l'annihilation donc de la moitié des formes de vie. Et tu vois juste Thanos posé, qui est satisfait finalement d'avoir accompli sa mission. Je trouve que ça se tient comme fin. Et même en stand-alone, il y a quand même une façon de rassembler toutes les histoires et toujours avec la mise en scène, d'accompagner, d'imposer une forme d'épique qui est inhérente au personnage. C'est-à-dire, tous les réalisateurs du MCU ne savent pas faire ça. On peut penser par exemple à notre grand ami John Watts. Mais par exemple, Thor, lorsqu'il arrive au Wakanda, tu sais, avec Stormbreaker, et voilà, ça claque, quoi. Je veux dire, vraiment, il y a quelque chose, tu as les frissons, le Brimmy Thanos, c'est quelque chose qui en impose, et c'est un moment où je me rappelle, quand je l'ai vu en salle, tout le monde était en furie, quoi. C'était vraiment assez fou, et on y croit, et vraiment, je trouve que les Russo se font pas mal taper sur les doigts, beaucoup ont dit, Whedon nous manque, etc., mais je trouve qu'il ne démérite pas pour rendre à l'écran une histoire d'une telle ampleur. Attends Endgame. Je défendrai Endgame aussi. Je défoncerai, moi. C'est différent. Même sur Infinity War, je trouve que la fin arrive à être quand même assez radicale. Et on ne s'y attend pas, ça fonctionne. Même si, alors... Après, le film, pour moi, a quand même plusieurs défauts, notamment le fait qu'il ne va pas forcément se poser. Il va toujours être dans l'action, il ne va pas prendre le temps de poser ses personnages et juste leur laisser le temps de respirer, de discuter. Quelques effets spéciaux aussi, on pense à la tête de Bruce Banner dans le Hulkbuster. Mais malgré tout ça, je trouve que ce premier arc de conclusion où tout le MCU, enfin 10 ans de MCU a mené à ça, fonctionne vraiment, arrive vraiment à rendre cette première partie d'affrontement absolument épique, tout simplement. Et les 2h30 passent vraiment bien, quoi, vraiment. Et également important, chaque personnage arrive à avoir son importance. Pas au même niveau, évidemment, par exemple, le soldat de l'hiver ne sera pas au même niveau qu'un Iron Man, mais on les voit en action, ils ont leur importance, et je suis toujours très content. Et on peut aussi discuter que finalement, Civil War aura juste servi à placer Captain America en Europe, en fait. Oui. Donc voilà, c'est ça. Infinity War, moi, c'est vraiment un film que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, auquel je tiens beaucoup, qui pour moi représente vraiment, tu en as parlé, mais cet apogée de ce avec quoi on a grandi au final. Et c'est pas pour rien que cette phase est vraiment la dernière où je fais preuve d'indulgence, parce que c'est des héros que j'ai découverts et que j'ai aimés, parce que et même Endgame, hein. Mais c'est c'est surtout ça, parce que les phases suivantes, bon, on sera un petit peu moins cordial, je pense. Mais pour moi, vraiment, Infinity War et Endgame en particulier représentent, donc j'ai déjà dit, mais cette conclusion d'arc de personnages avec lesquels j'ai grandi et que j'ai aimé. Et ce qui est aussi c'est la faiblesse du film, par contre. Parce que si tu arrives et tu commences par Infinity War, le film n'a aucun intérêt. Oui, mais à ce moment-là, c'est le problème de Marvel quasiment depuis le premier Avengers. C'est-à-dire que Ant-Man, tu pouvais l'attraper à la volée, et encore, mais après Avengers 2, c'était mort. Bon, ouais, mais regarde, tu prends un Black Panther, tu prends même Avengers 2, tu prends Spider-Man de Far From Home, je trouve que ça peut très bien passer en stand-alone. Il y a des détails que tu n'auras pas, mais ça peut très bien passer. Infinity War, si tu connais vraiment rien, parce que tu as le Wakanda, il faut que tu aies vu Black Panther, les personnages, chacun, il faut que tu aies vu leurs films, Thanos, tu as besoin des Gardiens de la Galaxie et des Avengers, enfin, tout, tu as vraiment tout y passe, quoi. Et c'est un peu... C'est pas vraiment un défaut, mais si t'arrives avec ça, il y aura 2-3 soucis, quoi. Bah oui, mais après, à ce moment-là, c'est le syndrome de la saga. C'est-à-dire que tu vas pas regarder Harry Potter 6 avant de regarder les 5 premiers. Oui, évidemment. C'est juste ça. Mais donc voilà, pour moi, Infinity War, en fait, je suis un peu dans ce qu'on va appeler le consensus Twitter. C'est-à-dire, il y a des défauts, mais bon. non, vraiment, c'est... Et à nouveau, j'en ai quasiment honte, hein, de pas pouvoir être objectif, mais c'est vraiment un film. Et quand je l'ai revu, de 2018, j'avais 16 ans à l'époque, et quand je l'ai revu, j'ai retrouvé cette émotion que j'avais eue dans la salle où tu te dis, ça y est, tout a mené à ça, tout a été fait pour ce moment, ça y est, on y est, en fait. Et voilà, c'est un film qui est important pour moi, malgré à nouveau ses défauts évidents, et c'est un film que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, quelque chose aussi que je note beaucoup, c'est, je trouve ça fascinant, c'est le film qui m'en a fait prendre conscience, à quel point ils arrivent à dépolitiser leur film. Je trouve ça, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire que Black Panther, j'avais dit à la fin que le méchant amenait des thématiques intéressantes, mais il se mouille pas trop. Et Endgame, on le verra, c'est à l'échelle encore au-dessus. Mais bref, je ne spoil pas tout de suite. Tu veux encore quelque chose à ajouter? Non. Est-ce que tu veux commencer par ta scène préférée, si tu arrives quand même à en garder une? J'aime beaucoup avec Thanos au Wakanda, où il y a Thor qui arrive et Captain America qui soutient le gant et tout ça. Je trouve que c'est une scène assez forte qui... Je sais pas trop quoi dire de plus. c'est une scène assez forte avec des réunions de héros. Déjà, c'est Captain America qui prouve qu'il tient tête à Thanos. Oui, voilà, et c'est une scène assez forte et qui montre vraiment toute la puissance du méchant aussi. Oui, bah le méchant qui a de la gueule quand même, qui a vraiment de la gueule. Oui. Merci beaucoup. Moi, je sais que j'avais hésité à prendre le Bring Me Thanos, qui vraiment m'avait mis les poils. Mais je vais plutôt prendre la scène de mort de Gamora, où tu vois, je trouve que le personnage de Thanos, qui est pour moi un des personnages les plus intéressants du MCU, amène vraiment quelque chose. C'est-à-dire, tu vois que Gamora, il doit sacrifier ce qu'il aime le plus, et Gamora qui lui fait, voilà, tu n'aimes rien, en fait, tu n'aimes absolument rien. Et si, il l'aime elle, et donc il est amené à la sacrifier. Et tu peux y voir vraiment du regret. C'est-à-dire, tu vois qu'il est persuadé de bien agir, il est persuadé de faire le bien, et que sa mission est quelque chose d'essentiel. On verra que dans Endgame, finalement, la fin fuck un peu ça, mais je trouve que cette scène amène vraiment quelque chose de très intéressant. Et, dernier détail aussi que je n'ai pas dit sur Endgame, une autre scène que j'aime vraiment beaucoup, c'est la scène où Thor allume une étoile. C'est peut-être parce qu'en fait, Thor, c'est peut-être un des persos qui a été le plus nerfé par rapport à son équivalent comics. Et là, on a enfin un petit aperçu à peu près valable de sa puissance, d'autant plus que sa hache est faite à partir d'un arbre. Voilà, j'adore Groot qui fait la hache, ça m'a toujours fumé ça. Je pensais que tu allais citer la scène de Vision et une certaine Lizzie. Alors, j'ai hésité, mais j'ai une autre scène comme ça dans Endgame. Non mais oui, évidemment Lizzie, mais je vais pas parler d'elle à chaque épisode, je viens de le faire, mais... c'est le meilleur personnage, enfin, en tout cas, c'est mon personnage préféré du MCU. C'est... Que faut-il de plus? Incroyable. Et sur la VF, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ou pas tant que ça, vu que c'est toutes les voix en fait, qui reviennent, j'imagine? Oui, voilà, on a déjà parlé d'un peu tout le monde. Et je crois que je n'avais pas parlé, par contre, sur Thanos. Donc on ne l'a pas vraiment vu. Non. Et donc, c'est doublé par Paul Born, qui double Thanos, précisément. Paul Born, c'est le doubleur de Laurence Fishburne, notamment. Et plein de d'autres acteurs un peu moins connus, mais assez actifs. Et petit truc marrant, c'est qu'il double Josh Brolin, mais que sur Thanos. Donc, en fait, la voix de Thanos, ce n'est pas la VF habituelle de Josh Brolin. Parce que lui, sa voix française habituelle, c'est Philippe Vincent, qui est la voix de Kurt Russell. Et une voix que j'adore, vraiment. La voix de Kurt Russell ou celle de Thanos? De Kurt Russell. Celle Ah, de bah, Thanos, mais celle de Kurt Russell ou de Josh Brolin, habituellement, je la trouve incroyable. évidemment. Et, mais celle de Thanos, c'est vrai que la VF de Thanos, c'est vraiment excellente. Il a un ton très cérémonieux, enfin très cérémonial, vraiment assez impressionnant. C'est très très très bonne VF sur Thanos. Et pour la petite anecdote, c'est aussi sa voix québécoise, c'est le même. Donc la voix Thanos en québécois, c'est pareil. Universal Thanos. Voilà. Alors, si on passe à la musique du film, donc composée par le grand Alan Silvestri. Alors, je ne vais pas diffuser le thème Avengers, tu sais, évidemment le fameux, parce que bah, je me le garde pour le Endgame. Et je vais plutôt diffuser le main theme Infinity War du film, qui est plutôt agréable pour le coup. C'est des compositions très classiques, super-héros Marvel, ce qu'on a vu se développer au fil des épisodes. Je pense que si vous avez écouté toutes les BO, vous serez rendu compte qu'il y a des schémas qui reviennent. Mais au global, le thème est plutôt sympa et Sylvester, bah, c'est pas un manche, quoi, je veux dire, il s'est composé. Et donc, on vous diffuse le thème Infinity War de Avengers Infinity War. Et donc, on reste toujours en 2018 pour passer sur Ant-Man et la Guêpe. J'ai une question à te poser. Quand le capitaine a eu besoin d'aide, si je te l'avais demandé, tu serais venu? Ça, on ne le saura jamais. Mais si j'avais été là, vous n'auriez pas été arrêté. Je fais des bêtises. Et les personnes que j'aime le plus le paient très cher. Grâce à toi, on a dû s'enfuir. On est toujours en fuite. Allons-nous-en. Faudrait quelqu'un pour t'aider. Un coéquipier? Mais vous l'avez équipé d'ailes? Et de blaster, oui. J'imagine que ces options n'étaient pas encore au point pour moi. Bien sûr que si. Mais... Ant-Man et la Guêpe, qui sont des héros qu'on ne voyait pas dans Infinity War. Donc, le film est toujours réalisé par Peyton Reed, qui, alors, donc, comme je viens de parler en intro, d'une durée de un petit peu moins de 2 heures, 1h58. On est sur un budget de 162 millions de dollars, c'est toujours assez gros. Au casting, on retrouve Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas. On ajoute Laurence Fishburne, donc tu as Matrix, t'en as parlé juste avant pour son doubleur. On ajoute également Michelle Pfeiffer, Scarface, Batman le Défi, on va pas refaire toute sa carrière, excellente actrice. Et également Anna John Kamen, oui. Batman 2 surtout. Oui, Batman le défi, Batman le défi. Je retiens un peu ça. Anna John Kamen, qui joue un personnage que j'aime bien, et je vais m'expliquer, qu'on a vu dans Ready Player One ou dans le magnifique Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Alors, Au scénario, c'est toujours bon signe quand il y a beaucoup de scénaristes. Et donc, on a alors Paul Rudd, Andrew Barrère et Gabriel Ferrari, qui sont un duo qui avait bossé sur un truc qui s'appelait No Exit. Alors, je ne l'ai pas vu, mais il a l'air plutôt sympa. On a également Chris McKenna et Eric Sommers qui ont bossé sur les trois derniers Spider-Man, donc la trilogie Home. Des bons, quoi. Comment ? Des bons, quoi. Non, oui, oui non, mais des moyens. Jumanji ou encore l'excellent, et je pèse mes mots, Lego Batman. À la musique, on a Christophe Beck, qu'on avait déjà vu sur Ant-Man 1, donc qui avait fait Frozen, WandaVision, etc. À la photo, on a Dante Spinotti, qui est le chef-op de Michael Mann. Ça se voit, d'ailleurs. Donc, qui avait fait sur Heat, Manhunter, Public Enemy. Le film était envisagé dès la sortie du premier en 2015, potentiellement comme un préquel, mais finalement est confirmé comme un sequel avec son titre dès octobre 2015. Reed était super chaud pour reprendre, parce qu'en fait, il a déclaré être tombé amoureux des persos. Voilà. Finalement, un auteur, finalement. Reed était assez déçu que Giant Man soit introduit dans Civil War. On s'en rappelle, la scène de les six bélos qui se tapent dans l'aéroport. Plutôt que dans son propre film, l'accent devait être mis sur la guêpe, étant donné qu'il voyait le duo comme un duo héroïque autant qu'un duo romantique. Également, la psychologie de Pym est un petit peu creusée au travers des flashbacks, et Michael Douglas voulait Catherine Zeta-Jones, donc sa femme, pour jouer Janet, et Evangeline Lilly a poussé pour que ce soit Michelle Pfeiffer. Finalement, l'histoire a vu que c'est Evangeline Lilly qui a eu raison. Alors, pour le synopsis. Donc, suite à ces conneries en Allemagne lors de Civil War, Ant-Man, Scott Lang est mis à résidence avec un bracelet électronique et donc vit sa vie globalement. D'ailleurs, j'aime bien la scène d'intro avec la fourmi. Il vit sa vie et donc il essaie de s'occuper comme il peut de sa fille Cassie. Il a monté une entreprise avec ses deux anciens collègues braqueurs, une entreprise de sécurité, pourquoi pas. Jusqu'au jour où il se fait kidnapper, plus ou moins, par Hope et Hank Pym, qui sont maintenant en cavale suite aux événements de Civil War. Et il va se retrouver embarqué dans une affaire de grandeur, de grande ampleur qui va également mêler le passé de Hank Pym et qui veut, avec sa fille, essayer de retrouver sa femme. Je suis très mauvais en résumé, j'ai prévenu. Alors, je me permets de démarrer. Pourquoi j'adore ce film ? J'adore ce film parce qu'il prend tous les potards du 1, y compris le potard de la connerie, et va le pousser à 40. C'est-à-dire que Paul Rudd est en roue libre, mais s'éclate. Les scènes de miniature, il y en a beaucoup plus, et c'est souvent beaucoup plus drôle. Et également, c'est plus en trois dimensions, dû au fait que la guêpe vole désormais. Et donc, on va avoir des scènes où un immeuble miniaturisé va servir de mallette. On va avoir des scènes où tous les trucs vont se faire miniaturiser par pack de 15. Ou encore une scène de poursuite de voitures avec des voitures miniaturisées, la fameuse scène des Hot Wheels. C'est également, je trouve que le film va amener beaucoup plus va amener une écriture de personnage que je préfère. Alors, à nouveau, c'est Peyton Reed. On n'est pas dans du Malick, mais par exemple j'aime bien la relation que Scott va avoir avec sa fille Cassie que moi je trouve assez choupie. Également le personnage de Hope il me semble que j'avais déjà dit que c'est un personnage que j'aimais bien. Je la préfère 100 fois dans cette suite où justement elle a quand même un peu plus de personnalité et je trouve leur relation super cool. Je sais que beaucoup de gens les critiquent, moi au contraire je trouve que ça marche plutôt bien. Michael Douglas, il a la classe. Putain, ça rime, j'ai même pas fait exprès. Et vraiment, c'est un film. Alors, je dirais que je vois les défauts, notamment des défauts d'écriture un peu cons, et le fait que le personnage de le copain hispano de Scott Lang, j'arrive jamais à retenir son nom. Michael Peña. Ouais, Louis. Le personnage de Michael Peña. Louis. Louis, voilà, je le trouve infernal, et lui, il est beaucoup plus mis en avant, et lui, pour le coup, ne me fait pas rire. Mais également le méchant, donc le méchant du fantôme, est un méchant qui est complètement transparent, c'est une feuille de papier, transparent, fantôme, excellent, mais il a à nouveau des motivations qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que c'est pas juste un grand méchant, là il a quand même un background un peu plus creusé, un peu plus développé, et malgré tout, c'est un film que je trouve vraiment attachant, vraiment je le trouve plus drôle que le premier, Je le trouve plus fou aussi que le premier. Je trouve qu'il y a plein de scènes qui me font vraiment beaucoup plus rire et où on sent que Paul Rudd a pris son personnage et que c'est désormais le sien. Donc voilà, je te laisse défoncer mon poulain, mais moi, Ant-Man et la Guêpe, c'est un film... Alors, est-ce que c'est un plaisir coupable? Peut-être, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Je te laisse lâcher les chiens. Tu l'as revu pour l'émission? En partie. Je connaissais quand même assez bien. T'as revu les Hot Wheels? Oui. Et alors, juste... prenons tous les arguments de Corentin et tournons-les dans l'autre sens. D'abord, les effets spéciaux. Est-ce qu'on peut parler de cette mallette immeuble en plastique, encore pire qu'un Playmobil? Ça me sortait oui. du film. Quoi. Regardez aussi, à la scène de fin, les ombres des voitures sont mal incrustées. Non mais rien ne va en effets spéciaux dans ce film. Tout fait plastique, tout. Et bien qu'au moins ça passe pas trop numérique. Mais voilà. Ensuite, le personnage de Michael Peña, autant je l'adore dans le 1, autant dans le 2, tu sens qu'Edgar Wright n'est pas passé par là, quoi. Ça, tu fais, non, c'est juste lourd, on l'a déjà vu, il n'y a pas d'effet de surprise, ça sert à rien. C'est effarant. Ou l'histoire, j'en parle pas, hein, elle est aussi insipide que d'autres films Marvel comme Thor. Hein. Et tu ne peux pas dire le contraire. Ah non, clairement, l'histoire est à beaucoup plus petite échelle. L'histoire, c'est pas un gros truc. Hein. Ah, c'est vraiment très classique. Et le méchant, non, je le trouve jamais attachant. Je trouve vraiment qu'il sert à rien. J'ai pas dit transparent, c'est invisible. Quoi. Même Drax, on voit plus. C'est pour dire. J'ai pas dit qu'elle était attachante, mais je trouve que son back, c'est un personnage qu'on peut comprendre. Tu vois, son back. Ah oui, autre. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, un méchant qui en imposait beaucoup plus, c'était Obadiah Stane dans Iron Man 1. Mais Obadiah Stane, on va pas se mentir, c'est plus archétypal, tu meurs. Qu'est-ce qu'il veut? Bah, dominer le monde. Voilà. Il veut du bon. Là, c'est pas quelqu'un qui est méchant par volonté, c'est quelqu'un qui veut juste ne plus avoir mal, en fait. Oui. Mais non, bon, regarde, je sauve ce que je peux, hein, mais ça, préfère... je trouve que ce méchant-là a quand même une motivation plus crédible et mieux écrite que d'autres. Ça, je le défends. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je vais préférer un Obadiah Stane qui claque et qui fait vraiment peur, quoi. Ah non, je comprends totalement d'ailleurs, parce que là, littéralement, c'est juste que le méchant, j'ai vu plein de gens lui cracher dessus, et pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec le fait de lui taper sur les doigts gratuitement, parce que au contraire, je trouve que elle est compréhensible, on peut la comprendre. Après, oui, elle est mal mise en avant, son interprétation est pas terrible, mais quand même, je trouve que ses motivations, en tout cas, ils sont creusés pour lui trouver quelque chose de compréhensible et qui soit pas juste lâché là en mode je veux récupérer pour faire de l'argent. Et à propos de méchants, parlons de Walton Goggins un peu. Alors, non, ça pour le coup, j'ai du mal à le défendre, oui. Enfin, moi, il me fait rire, mais pas pour les bonnes raisons. Walton Goggins, petite anecdote, c'est cet acteur, je ne sais pas pourquoi, mon frère voue une passion pour cet acteur, et du coup, moi aussi, parce que chaque fois qu'il est là, il nous fait rire. On parle bien du marchand d'armes. Oui. Du président dans Les Huit Salopards, là. Où, ouais, c'est dans Les Huit Salopards, il a un petit rôle, je me rappelle. Dans Django aussi. Et ce type, à chaque fois qu'on le voit, je n'arrive pas à le prendre au sérieux. C'est terrible. Il a une tête. Déjà, il joue que des méchants. J'ai jamais joué autre chose qu'un méchant. Et c'est pas possible. Et alors là, c'est pire que tout. En marchand d'armes, jamais je lui achète des armes. C'est pas possible. J'ai aucunement confiance en ce type. Enfin, il me fait un peu pitié quand même. C'est vraiment le méchant. En plus, il est hyper cliché. C'est un peu le Matthew Good des blockbusters. Voilà, c'est en moins bien. Je trouve qu'il joue un peu moins bien quand même. Et après, sorti de ça, oui, je suis d'accord sur le fait que ça se lâche beaucoup plus. Genre, il y a un pèse géant. Ça me fait rire. Genre, tu bats des... Un pèse, tu sais, le truc avec les bonbons, c'est un Hello Kitty, je crois, dans ce film. Ah oui, ça. Ah oui, non mais oui, mais c'est ce que je veux dire. Ils se sont dit, qu'est-ce qui a fonctionné dans le 1? Le fait d'agrandir ou de rapetissir des trucs. Eh ben, on va en foutre partout. Parce que j'avoue qu'une bataille dans une cuisine où, pour battre les méchants, on agrandit une salière pour bloquer la porte. Ouais, ok. Mais oui. Mais j'accorde que les Hot Wheels, l'idée est sympa. Mais le problème, c'est que c'est le seul truc que je sauve du film. Les idées sont sympas, c'est drôle. mais ça marche pas en tant que film, quoi. C'est marrant. Mais à la limite, j'aurais préféré juste une comédie, tu vois. Une comédie sur... Tu fais une comédie hors Marvel et tout, juste sur ce système d'agrandir, rétrécir les choses. Tu vas me dire, ça va être chéri, j'ai rétréci les gosses, mais ça va être un truc de ce style. Et je trouverais que ça marcherait super bien. Il y a ça où il y a l'horrible downsizing avec Matt Damon, qui est un très très mauvais film. Mais ouais, on pourrait faire un truc comme ça, mais je trouve que ça marche pas beaucoup mieux. Mais non, le seul intérêt que je trouve au film, ça soit une post-générique en fait, qui va servir pour les films d'après. Je trouve que c'est un peu triste de faire un film pour une scène post-générique. Et alors, non, je ne parle pas de la fourmi qui fait de la batterie. Dommage, parce que déjà j'allais amorcer sur ça, mais par exemple, même les relations entre les personnages, toi, genre la relation entre Scott et sa fille, ou même entre Scott et Hope, tu crois pas? Ben non, jamais vraiment. Ça fait plus, je te dis, j'ai l'impression de voir un truc de comédie, j'y crois jamais. Genre oui, c'est sympa, mais j'ai pas l'impression que c'est important, si tu veux. Tout simplement. Oui, mais moi, au contraire, je trouve qu'il y a quand même une alchimie entre les deux, mais c'est un peu comme Van Helsing, qui est un film que moi, j'aime vraiment énormément. Le film n'est pas terrible, mais je trouve que l'alchimie entre les deux acteurs principaux fonctionne. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, je sais que le film n'est pas terrible, mais je trouve qu'il y a quand même une alchimie entre Paul Rudd et ses sidekicks. Oui, mais léger, quoi. Ah, à nouveau, on n'est pas dans du Malick, hein. Ça, c'est sûr. Et, ah bon? Ah non, clairement pas. Mais après, Walton Goggins, il y a un problème avec son personnage. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Il y a un problème avec son personnage, surtout. C'est que lui, pour le coup, c'est un des pires méchants du MCU, vraiment. Mais c'est même pas un méchant, il sert vraiment à rien. Le type, il fait de la figuration dans le film. Il conduit des voitures, c'est tout ce qu'il fait. Ses sidekicks sont encore pires. C'est-à-dire, la blague du sérum de vérité n'est pas drôle. Et également, moi, un truc qui, dans le film, qui me fait quand même un petit peu tiquer, quoi, c'est la je pense, c'est top 2, ouais, facile, dans le top 3 des moments cringe du MCU, c'est quand Paul Rudd se fait posséder par Michelle Pfeiffer, enfin, par l'esprit de Michelle Pfeiffer. Oui, et qu'il se comporte donc avec Michael Douglas comme si c'était sa femme, et avec Evangeline Lilly comme si c'était sa mère. Atroce, très très cringe, très très très cringe. D'ailleurs, au passage, j'aime beaucoup l'univers, c'est quoi, c'est subatomique l'univers quantique, quoi. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait, enfin le design. Ah bah dans ce cas-là, tu vas aimer le 3, hein, parce que le 3 est prévu de se dérouler quasiment que là-dedans, je crois. Ouais, bah ça peut être intéressant. Mais donc voilà, pour vraiment, Ant-Man et la Guêpe, c'est pas la merde que tout le monde peut vendre. Tu vois, typiquement, c'est pas Thor 2, c'est pas Black Widow, je veux dire. Thor 2, quoi. Donc vraiment, je trouve qu'Ant-Man et la Guêpe a une espèce de légèreté et de je sais pas, j'ai envie de dire de tranquillité quasiment qui s'en dégage, qui vraiment qui est pas unique au sein du MCU, mais qui moi me fait vraiment rire. Et juste pour la scène de fin avec les Hot Wheels, vraiment, on vous invite. Enfin, moi, en tout cas, je vous invite à le voir parce que vraiment, c'est il ne mérite pas la haine. Redonner une chance à Ant-Man et la Guêpe. D'autant que il a visiblement le public est d'accord avec moi puisqu'il a fait 622 millions de recettes, ce qui est très peu pour un Marvel. Hein. Oh, quand même, et qu'il a eu un très bon accueil critique. Qui a dit que c'était un film familial? Captain Marvel a fait 1 milliard, hein. Je le sais. Ok, bon, alors dans ce cas-là, je retire tout de suite ce que je viens de dire. Voilà. Non, mais t'es pas à l'abri de certains twists. Mais donc voilà, vraiment, Ant-Man et la Guêpe ne mérite pas sa haine. Il faut essayer de redonner une chance à Ant-Man et la Guêpe. Oui, après, mais avoir une fois, quoi. Je dis pas que c'est un truc que je reverrai tous les ans. Non, clairement pas. Mais que pour le revoir pour le podcast, là, je me disais, c'est plutôt cool. Moi, je suis content de le revoir. C'est un film que j'aime bien, donc let's go. Oui. Donc voilà, est-ce que je peux démarrer sur ma scène préférée, évidemment? Non, oui, quelle surprise ça va être. Ah, moi, c'est toute la poursuite de fin, hein, je veux dire. Des voitures qui rapetissent, Paul Rudd qui devient géant, c'est complètement crétin. Ou même après, t'as le costume de Paul Rudd qui est grand. Enfin, c'est complètement crétin, mais c'est très drôle. Donc moi, je passe un très bon moment devant cette scène. C'est dans cette scène le pèse, le Hello Kitty. Oui, ben je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais oui, du coup. Et si, c'est un pèse. Alors pour expliquer à ceux qui connaîtraient pas les pèses, c'est les petits trucs à bonbons où on soulève la tête d'un personnage connu en général et un petit bonbon qui sort. C'est la marque Pez. Ça existe que sous cette marque. Je me coucherai moins bête, mais oui, c'est dans cette scène-là, vraiment. Et non, moi, je maintiens, cette scène-là est super cool. Et si tu veux savoir, je vais même aller jusqu'à te dire que de temps en temps, je me lance le film et je me refais juste cette scène. T'en dirais moi avec Kingsman. Oh, je suis pas le moral. Moi, une petite scène de l'église, ça va me remettre. Ouais, bah écoute, c'est pareil. Tu vois, toi, t'as ta scène de l'église. Bah, tu sais quoi, moi, j'ai ma scène des Hot Wheels dans Ant-Man 2. Et je ne vois pas où est le problème. Et non, moi, j'ai choisi là parce que, en tant qu'amateur d'action, quand même, j'ai pris la scène de la cuisine, que je trouve vraiment sympa en termes d'action, avec la salière géante et tout. Oui, la première grosse, entre guillemets, scène d'action du film. Voilà. Et c'est un truc que j'aime beaucoup avec Ant-Man. Par contre, c'est... sans parler du côté débile qu'il y a dans ce film, c'est le pouvoir de rapetisser. Je trouve ça impressionnant à voir en film et au cinéma. C'est des images que j'aime beaucoup. Dans ce cas-là, tu devrais adorer ce film, parce que littéralement, ce film prend toutes ces idées-là et t'en met par pack de 40. Je veux dire, le principe même du film, c'est de montrer des trucs qui rapetissent ou qui grandissent. Oui, mais je trouve ça loupé dans le 1. Oui, dans le 1, c'est un peu plus fin, on va dire, entre guillemets. Voilà. Et pourtant, il y a un tank géant. Ah ouais, ça enfin, il y a un tank géant, mais dans ce cas, tu peux aussi comprendre que moi, quand je vois l'immeuble rapetisser et servir de truc à rouler, ça me fait rire, même si on peut se dire comment ils ont mis le levier, du coup, tu sais pas. Mais c'est trop moche, c'est super moche. Ah, moi, ça me... Enfin, comme moi, vraiment, je passe le film en me disant c'est quand même cool, hein. Ouais, ça va. Et que voir du coup le cercle avec toutes les petites voitures partout est un très bon moment pour moi. Oui. Bon, allez, sur la VF du film, peut-être du coup sur Michelle Pfeiffer qui rejoint le casting. Elle est doublée par Emmanuel Bondeville, qui en fait sa voix quasi toujours. Et qui a fait aussi, qui l'a reprise dans certaines séries d'animation ou jeux vidéo pour faire le rôle de Catwoman. Et j'aime toujours ça, moi, les doubleurs qui reprennent les rôles. Et c'est aussi la voix, et ça je sais que ça va te toucher, Corentin. Oui. C'est aussi la voix du personnage de Iris dans un certain Sinbad. Voilà. Let's go! Et sinon, on a Hervé Joly sur Michael Douglas. Il n'a pas du tout sa voix habituelle. C'est Hervé Joly, il a doublé Eastwood, Clint Pascott. Hein. Clint Eastwood, sur ses derniers films, en fait. Depuis 98, il fait la plupart de ses films récents où il joue. Ou Jean-Claude Van Damme, dans quelques films également. Voilà. T'as noté lesquels à tout hasard? Je peux te retrouver ça. Il en a fait 5 ou 6, je crois. Il s'agit de... En 4, il a fait Time Cop, Chasse à l'homme, Coup pour coup et Mort subite. Oh, les bons, Time Cop, Chasse à l'homme, ça c'est... Ouais, en termes de plaisir coupable, ça se pose là, mais c'est bien quand même. Voilà. Après, c'est pas un doubleur qui a fait beaucoup, beaucoup de rôles récurrents. Beaucoup de films, mais pas de rôles récurrents. D'accord, merci beaucoup. Et sur la musique, donc... on va pas se mentir, ça reprend quand même pas mal la musique du 1, qui était très sympa d'ailleurs. Et ça reste globalement sur du convenu, pas forcément grand chose à dire. Mais donc on vous diffuse le thème principal de Ant-Man et la Guêpe. Mars 2019 arrive Captain Marvel. Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. Ah, vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïques. Nobles guerriers héroïques. La vie a commencé le jour où elle a failli s'achever. On t'a trouvé. Tu avais tout oublié. On a fait de toi l'une des nôtres. Pour que tu vives plus longtemps, plus intensément, plus héroïquement. Tu es né deux fois. J'ai souvent des flashs. Comme des souvenirs. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Vous savez le piloter ? On verra. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Est-ce que tu veux savoir ce que tu es vraiment ? Je crois que j'ai vécu ici. Qu'est-ce que vous me cachez ? Tu viens de très loin. Mais tu n'es pas aussi forte que tu le crois. Cette guerre n'est qu'un début. Notre guerre, je ne vais pas la faire. Je vais y mettre un terme. Oh, mais que t'es mignon. T'es trop mignon, toi, comme ça. Comment tu t'appelles, hein ? Fury. Je reviens. Captain Marvel, ou un film que personne n'attendait, a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, qui n'ont... Quentin va vous dire ce qu'a fait Ryan Fleck, parce qu'il a dû faire un film. Alors, attends, du coup, je retrouve le nom, et moi, j'ai souvenir d'un truc, alors, je me souviens qu'il avait fait un film, voilà, il s'appelait Half Nelson, avec Ryan Gosling, qui était vraiment plutôt cool. Bon, bah, il a fait que ça, et Anna Boden a fait encore moins de trucs. Ils ont fait 2-3 séries, et puis voilà, enfin, rien de bien marquant. Au scénario, c'est les mêmes, Anna Boden et Ryan Fleck, avec Geneva Robertson Dorrit, mais bon, on trouve rien sur elle. À la photographie, on a Ben Davis, ce qui m'a quand même beaucoup étonné. Parce qu'on en avait déjà parlé, parce qu'il est sur les Kingsman notamment, et sur. On en a parlé plusieurs fois même. Mais c'est le chef-op de Matthew Vaughn. Voilà, il a fait 2-3 trucs sur un Three Billboards, ou le Dumbo de Tim Burton, juste après Captain Marvel. Je pense qu'il était dans une mauvaise passe en 2019. Sa femme a dû le quitter. Je pense que sa femme l'a quitté, ou quelque chose comme ça, parce qu'en 2019, Captain Marvel, Dumbo. Bon, voilà. On fait comme on peut, on fait comme on peut. Et à la musique, on a Pinar Toprak, donc une compositrice, c'est ce qui change, qui n'a pas fait grand-chose à part quelques morceaux de Justice League ou Le Secret de la Cité Perdue qui est sorti au ciné récemment. Enfin, rien de bien marquant. Et la musique de Captain Marvel est cool. La musique de Captain Marvel est cool. Oh, elle est pas mauvaise, son compositrice. Et donc, budget de 175 millions, hein, reste toujours dans les mêmes quotas. Et au casting, on retrouve Brie Larson dans le rôle principal, Samuel Jackson qui reprend son rôle, Ben Mendelsohn, Jude Law, Jimon Unsu, Lashana Lynch, ou dans le rôle de Brie Larson, de Captain Marvel jeune, McKenna Grace, qui est la fille de Marie. Yes, quand je l'ai vue, j'étais « Ah, mais putain, je la connais !» Et elle joue, je trouve, beaucoup mieux que Brie Larson. Mais ça, c'est un autre débat. Et par contre, un truc qui m'a étonné, mais je ne m'en rappelais pas, il y a Gemma Chan dans le... Gemma Chan, je ne sais pas comment on dit, dans le film, dans le rôle de Minerva. Et sauf que Gemma Chan, c'est une des éternelles. C'est la principale, la seule qu'on suit. J'ai oublié son nom. Non, bah ouais, ça m'a... Je ne l'ai pas du tout reconnu. Peut-être qu'elle joue Minerva, c'est peut-être un personnage, tu sais, en épice d'Alien, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus du tout. Mais c'est pour ça qu'on la reconnaît pas. Mais enfin, tout ça pour dire que étrangement, elle est là-dedans et dans l'autre. Alors, c'est la Kree à la peau bleue. Donc, enfin, la peau. Ils ont tous ah la oui. peau bleue. Mais c'est. Non, non, c'est. Alors, maintenant que j'ai une photo d'elle face à moi, non, si. Non, tu. Elle est dure à reconnaître, mais quand même un peu. Donc, tu te dis, bon, bah, ok. C'est une des éternelles, du coup. Et pour le scénario, en fait, c'est une origin story sur le personnage de Captain Marvel dans les années, je dirais, 70 de tête. Mais je ne sais plus du tout. C'est 70. 95. C'est à peu près 70. Ah, j'ai 95 sous les yeux. Ça se passe avant. Enfin, voilà. Ça se passe quand Nick Fury était jeune et avait encore un œil. Donc, il y a pas mal de temps et c'est une origin story sur ça. Et le résumé, c'est comme d'hab, hein, c'est une nouvelle héroïne, un nouveau méchant, et voilà. Et c'est tout. Et le film est vraiment très vide. Pour la production, c'est annoncé en 2014. Et alors là, tiens-toi bien, parce que ça aussi, c'est incroyable. C'était pas... Il voulait une réalisatrice. C'était un film féministe et tout, d'où aussi une compositrice, je suppose. Et donc, ils ont voulu plusieurs réalisatrices avant de trouver la bonne. On a échappé à Lauren Scafaria, qui est fait Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, et c'est à peu près tout. On a échappé à Leslie Linkagutter, qui a fait La Proposition, et c'est tout. Et on a surtout échappé à Nikki Caro, qui elle a fait Mulan. Ouf ! Enfin, on est échappé. À la place, on a eu Anna Boden, quoi, mais bon. Et voilà. Donc, en fait, ce film était voué à l'échec avant qu'il sorte, je pense. Je pense que ça ne pouvait pas être bien. À aucun moment. Et vas-y, commence. Commence à... Alors, j'en avais un souvenir très désagréable, notamment du de-aging des numériques des acteurs. C'est quelque chose qui, moi, est un procédé que je ne suis pas forcément très fan. Et j'en avais un souvenir très bizarre, notamment de Coulson. Et en fait, bah, quand je l'ai revu, je m'attendais honnêtement à le fusiller, juste en mode, c'est nul. Alors déjà, je vais évacuer le meilleur truc du film, ces méchants, toujours, qui sont, à nouveau, je trouve que le méchant est bien trouvé. Tiens, le fait de, bah, vers les trois quarts du film à peu près, te dire, bah non, en fait, tous ceux que tu croyais être les gentils, bah en fait, non, pas du tout, c'est les méchants. C'est quand même bien amené, c'est quand même bien trouvé, on ne peut pas lui retirer ça. Maintenant, c'est vrai que je te rejoins un petit peu. Moi, Brie Larson, je l'aime bien, c'est pas une actrice que je déteste, je sais que beaucoup de gens lui crachent dessus aussi. Et je sais que, alors, pour le coup, Brie Larson, c'est une actrice que, genre, je la connaissais un petit peu avant le film. Parce que, et bon, un petit peu, genre, vraiment, un tout petit peu avant, je l'avais découvert dans Room, qui était, où je l'avais trouvé absolument dingue. Bon, dans Room, elle est hallucinante. Et elle avait également un petit rôle dans Scott Pilgrim, je crois. Oui, bah c'est de là que je la connais. C'est ça? Et moi, pour le coup, c'est un film que j'avais trouvé, un Room, c'est vraiment un film qui m'avait laissé une très forte impression. Et c'est une actrice que j'aime, pour qui j'ai quand même une sacrée sympathie et qui, là, je trouve, arrive à garder cette stature super-héroïne forte. Le personnage, moi, je l'aime bien. Captain Marvel, c'est un personnage que j'aime bien dans les comics. Après, le problème qu'elle a, le problème principal qu'a le film, je trouve, c'est qu'il est entre deux mastodontes. C'est-à-dire que Ant-Man et la Guêpe, mastodonte. C'est la suite d'un film qu'on connaissait. Donc, tu étais déjà attaché au personnage. Tu te demandais comment est-ce que ça allait évoluer, où est-ce qu'ils étaient pendant Infinity War, qu'est-ce qui allait se passer finalement. Brie Larson, Captain Marvel, c'est le premier film qui souffre du problème du midquel. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Endgame qui arrive après, et ils avaient déjà dit qu'elle était dans Endgame. Donc on sait qu'elle allait arriver dans Endgame, donc on sait qu'elle ne risque rien, et au final on s'en fout. Au final on s'en fout du coup, parce que tu dis pendant tout le film, tu dis ouais, mais tu peux risquer ce que tu veux, je sais que tu vas t'en sortir. C'est le même effet que le Black Widow, en fait, quoi, on en parlera plus tard. Mais oui, c'est le problème du midquel. C'est un petit peu le problème des Éternels aussi. C'est le problème du midquel. Et donc, en fait, c'est pour ça, honnêtement, Captain Marvel, quand je l'ai revu, je me disais, bon, c'est pas... Tu vois, moi, le personnage, je l'aime bien. J'aime bien sa trajectoire, tu sais, ce côté humain qui a été, entre guillemets, volé à sa vie. J'aime bien la trajectoire du personnage. J'aime bien... C'est quand même des trucs que je sauve, en fait. Vraiment, le film, je m'attendais honnêtement à le fusiller. Et honnêtement, je me disais, bah, ça passe, quoi. C'est pas si pire que ce qu'on peut en dire. J'aime bien toutes les scènes où elle se revoit avec sa copine quand elles étaient sur Terre, et tu sais, que tu les vois au karaoké en train de chanter ou de s'amuser. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais le film, tout le film a un côté complètement bas les couilles parce que tu sais que l'histoire ne va pas finir. Donc après, on peut dire que c'est un problème inhérent au Marvel, mais au moins, quand c'est des héros que je connais pas, j'ai envie d'apprendre à les connaître, de voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Au final, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Et là, bah, tu dis juste, oui, bah, je sais que tu vas arriver dans Endgame pour sauver tout le monde. Ils l'ont dit, ils l'ont annoncé. Donc ouais, c'est pour ça Captain Marvel, c'est pas... Et oui, et le de-aging de Coulson, je le maintiens, est absolument dégueulasse, vraiment, mais le de-aging des acteurs, en général, je suis pas fan, je le prends pas. Donc voilà, Captain Marvel, je déteste pas le film, mais c'est pas non plus... Voilà, il mérite pas non plus tous les éloges, mais il mérite pas non plus toute la vague de haine qu'il s'était pris. Non, surtout Brie Larson, hein, je suis pas un grand fan de cette actrice, mais je trouve pas que c'est une mauvaise actrice, moi je l'avais vue dans... Kong Skull Island et Free Fire. Voilà, des deux personnages de femmes fortes, en fait. Bah, dans Free Fire, Kong Skull Island, j'avoue que je m'en rappelle pas, mais j'ai un souvenir pas très agréable du film. Mais Free Fire, oui, déjà plus. Même si, on ne va pas débattre de Free Fire tout de suite. Mais des rôles de femmes fortes, en fait, je trouve que Agatha Marvel lui correspond bien. Et en fait, c'est pas elle qu'on se voit, moi, c'est le personnage que je n'aime pas. C'est Captain Marvel, surtout dans les... Dans Endgame, elle est très antipathique. Et moi, les personnages antipathiques, j'ai beaucoup de mal. Surtout quand c'est les personnages principaux, quoi, tu vois. Je répète l'énième exemple que je dis à chaque fois, mais le jeu de la dame, j'ai jamais réussi à finir parce que le personnage principal me gonfle. Et j'y arrive pas. Oui, mais ici, au début, elle est présentée comme antipathique. Mais justement, son passage sur Terre et le fait qu'elle retrouve son passé est censé la rendre plus humaine, plus attachante. Je dis pas que ça fonctionne, mais voilà. Il y a quand même l'idée que... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça... Alors, je ne suis pas du tout attaché à elle autant qu'à tout hasard, Lizzie. Ou, bah, si on compare... On peut un peu comparer les deux trajectoires des deux, j'y pense. Regarde, des personnages qui, au début, sont beaucoup plus énervants, on va dire, enfin, qu'on ne connaît pas au final, et qui vont, au fur et à mesure qu'on en apprend sur leur passé et sur eux, devenir attachants. Après, je ne sais pas si... Peut-être que ma comparaison est nulle, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je préfère Lizzie. Voilà. Merci, ça me fait plaisir. Et non, en fait, comme tu dis, le problème, c'est que le film, on s'en fiche du film. À aucun moment, il est intéressant. À aucun moment, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et même l'œil de Nick Fury, j'ai pas envie de savoir. Genre, le film fait des... je trouve qu'il a les défauts des Marvel. Il réunit la plupart des défauts des Marvel. Genre, l'humour est lourd, comme pas possible dans ce film. Ah oui, non, l'humour est nul. Hein, vraiment, le coup de l'œil de Nick Fury, c'est pas drôle, quoi, je veux dire. Enfin... Au début, la blague du chat est drôle, une fois. Mais ils la font 4 ou 5 fois, c'est pas drôle. Non, c'est jamais drôle, c'est très moche. Ça oui. c'est pas très bien filmé. Si, j'aime bien le design de la ville criée au début. J'aime bien le design de l'univers des cris. Oui, mais ça fait pas assez pour un film de 2 heures, quoi. Non, c'est 5 minutes, hein, mais je note ce point-là. Et parce que non, et même en mise en scène, c'est pauvre. Le combat contre Jude Law à la fin, waouh, c'est vide. C'est médiocre, hein, clairement, c'est nul. D'autant plus que ça se termine sur aller affronte-moi 1v1 et ça, et non, enfin, non, c'est pas drôle, c'est pas bien. Et voilà, en fait, c'est juste. Je peux pas dire que c'est non plus très, très, très mauvais. C'est, comme tu dis, ça mérite pas la haine que ça a eue, ou en tout cas, ça la mérite, mais pas pour ses raisons, à la limite. Mais c'est surtout, on s'en fiche de ce film. Il n'aurait pas existé, ça n'aurait rien changé. On aurait clairement pu s'en passer. Bah, c'est ça, en fait. Ça sert juste à tout. Bah, je viens de me souvenir, en fait. D'autant qu'à la fin d'Infinity War, quand Nick Fury disparaît, il appelle Captain Marvel. Donc, littéralement, on sait que c'est ça. Mais ouais, le film sert à rien. Même si, alors, je dois faire partie des seuls êtres sur Terre à croire aux deux, le The Marvels. Moi, j'y crois parce qu'il y a Miss Marvel. Alors, on parlera de la série à la fin. On parlera de la série à la fin. Non, mais j'aime bien le personnage, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Mais déjà parce que c'est réalisé par Nia DaCosta, qui avait fait le reboot de Candyman, qui était quand même plutôt pas mal, que j'avais bien aimé. Et parce que je suis certain qu'il y a quelque chose à faire avec le personnage, quelque chose à travailler. Là, c'est juste, ils passent à côté de leur sujet, et enfin... Moi, le truc que je retiens principalement, c'est l'idée que tous ceux que tu pensais être les gentils, donc ce qu'on te présente comme les cris, qu'on te présente comme bien, etc., en fait, non, pas du tout. C'est juste ce twist-là où je m'étais dit, ah, pas mal. Après, non, c'est pas. Au final, le film est vraiment pas grand-chose. Quoi, j'ai pas envie de le détester, juste, je m'en fous. Et surtout, je me dis, ceux qui disent que c'est le pire film du MCU, déjà non. Parce que genre il y a quand même les Spider-Man, il y a quand même Thor 2, tu vois, c'est, voilà. Et donc vraiment ça mérite pas ça en fait, donc c'est vraiment juste aux F-tiers, quoi. Je veux pas t'offenser, mais je crois que je préfère Spider-Man. Non, je pense aussi, ça dépend lesquels. Après, ça dépend lesquels. Mais ouais, tu te vois, non, mais enfin, à côté, il y a quand même Thor 2. Il y a quand même des films de MCU qui sont bien pires que ça. Il y a Black Widow. Ouais, il y a Black Widow. Il y a Black Widow, mais y a, à ce moment-là, si tu veux aller dans ce qui vient après, il y a Black Widow, il y a Moon Knight, il y a What If. Enfin bref, la phase 4 a su nous régaler en daube. Hein, Non, mais Black Widow, c'est Captain Marvel, c'est le même film en moins bien. On est vraiment. Non, c'est le même film en moins bien, et là on est dans un midquel d'un film qui est déjà sorti. C'est quand même un concept. Là. Parce que là au moins tu te dis, bon, je sais que tu reviendras dans Endgame, mais j'ai pas encore vu Endgame, donc pourquoi pas. Black Widow, c'est quand même un film qui a l'intelligence de te foutre l'histoire d'un personnage, surtout du personnage le plus bolossé du MCU, hein, clairement, qui te fout quand même son histoire avant un autre film. Donc, un truc que tu as déjà vu. Donc, tu t'en fous. C'est, non, bref, c'est hallucinant. On en parlera. On en parlera. Bref, sur une scène préférée, peut-être, sur Captain Marvel Moi, j'aime bien, c'est quand elle frappe une grand-mère. je ferai un clip voilà. Audio de cette phrase-là. C'est... Non, mais qu'est-ce que je sauve comme scène? Rien m'a plus... Juste parce que ça me fait rire quand elle frappe la grand-mère, genre c'est une grand-mère vénère, et tu te dis, mais what the fuck? Et du coup, elle la frappe et tout, ils se battent. En fait, c'est le méchant. Voilà, juste ça me fait rire. Non, c'est vrai. Moi, une scène que je retiens, c'est de la scène où tu vas découvrir que les cris sont méchants. Je trouve, du coup, ce côté twist, qui est pour moi le principal intérêt du film, qui, je trouve, a le mérite de proposer une autre vision, tu vois, enfin, de proposer un autre méchant. C'est pas les cris ou les Skrulls? Je comprends toujours les deux. Les Skrulls, c'est les verts, c'est les métamorphes, ceux qui sont oui, c'est les gentils. Les jeunes. Ouais, c'est eux qui sont au final sont gentils. Et les cris, c'est les bleus qui sont globalement des connards. Le problème, c'est que si jamais t'as lu les comics, tu sais que les cris, ils sont pas ultra sympas à la base. Oui, mais c'est ça. Après ça, c'est pas un problème du film. C'est un problème d'adaptation en général. Je peux pas dire au film, ouais, si j'ai lu les comics, c'est nul. Enfin, tu vois. Non, clairement pas, je veux dire, et même moi qui lis des comics, en fait, dans les Gardiens, on te les présente comme sympas, et du coup, je me disais, bon, on va partir du principe qu'ils ont fait ça, et en fait, non. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est le principal truc que je retiens, mais vraiment, ce film, je le déteste pas, je l'aime pas, juste, je m'en fous, en fait, vraiment, c'est... D'autres films du MCU, comme Thor 2 ou autre, toujours le même, hein, mais vraiment, j'avais passé un mauvais moment. Là, j'étais juste en mode... Bon... Et surtout, un peu triste quand même pour Jude Law, que je trouve vraiment... J'adore cet acteur et le voir... Bah là, il s'en sort pas si mal, je trouve. Et heureusement qu'il est là, mais c'est dommage pour lui. Tu sens qu'il s'amuse quand même. Qu'on arrête de critiquer son rôle dans Le Roi Arthur quand il fait ça, hein. Du coup, je vais ranger mon pistolet tout de suite. Merci. Ah, mais le pire, c'est que j'allais le faire, genre, ça va, il a fait Le Roi Arthur, tu vois. Non, je le défendrai jusqu'à ma mort. Tu mourras sur cette colline. Oui. Ok, sur la VF, parce que là, pour le coup, maintenant que c'est un standalone sur un héros qu'on ne connaissait pas, il y a peut-être plus de choses à dire. Mais oui et non, parce qu'en fait, c'est double, on en a déjà beaucoup parlé. Parce que sur Brie Larson, c'est Elisabeth Ventura qui est la voix de Emma Stone, de Brie Larson habituellement. Et donc, pour changer des noms que je dis d'habitude, de Carey Mulligan aussi. Ah, ça c'est cool, ça on aime. Et sur Jude Law, c'est un de mes doubleurs préférés, c'est Jean-Pierre Michael. Et Jean-Pierre Michael, tu connais cette voix parce que c'est la voix de Brad Pitt, c'est la voix de Keanu Reeves, c'est la voix de Ethan Hawke, c'est la voix de Jude Law, c'est la voix de Butcher dans The Boys, c'est voilà. Le respect, tu vois. De voix, déjà il fait Ethan Hawke et Keanu Reeves, ça claque. Brad Pitt, il a la voix qui, c'est la voix de Brad Pitt en fait, c'est surtout lui et Keanu Reeves, ouais. Ben Affleck aussi avant que ça soit le doubleur de Jason Statham, et il a fait Michael Fassbender dans pas mal de films. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Putain, bah écoute, c'est vraiment pas mal. Bah écoute, merci beaucoup. Casting. Et Monsieur Labrosse dans Toy Story. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Alors sur la musique, comme je l'ai dit, la musique est chouette. La musique est vraiment chouette. Allo, c'est un truc, c'est pas un thème que je vais réécouter souvent, parce que je pense que le thème que j'ai le plus écouté dans les Marvel, à part le thème d'Avengers, arrivera dans la phase 4. Melvin, je pense que tu sais déjà lequel c'est, j'en ai déjà parlé. Je pense. Oui, mais je spoil. Non, je spoil pas, je dirai plus tard. Mais non, et pour le coup, donc c'est la musique est assez chouette. Enfin, je vais utiliser toujours le thème principal. D'autant que dans ce thème-là, il y a un mélange de sons un peu électro qui donne un côté entre guillemets spatial au film, beaucoup de guillemets, et en même temps côté plus militaire, ce qui correspond au mélange du personnage. Donc voilà, c'est. Et je viens de me rappeler aussi un truc. Le film, il y a un truc qui ne va pas. Les couleurs du costume sont données par une enfant. Et ça va pas. Ça, c'est. Ça passe pas, ça. Ça, c'est pas drôle. Donc, voilà. Et donc, on diffuse le thème principal de Captain Marvel. Tac. Dernière partie, on arrive en 2019 avec le mastodonte finalement, Avengers Endgame. C'est connecté. Salut Madame Potts. Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine. La fin fait partie du voyage. Pour info, se retrouver à la dérive dans l'espace sans aucune chance d'être secouru, c'est plus marrant que ça en a l'air. Je n'ai plus de provisions depuis 4 jours. L'oxygène sera épuisé demain matin. Pourtant, quand je me sentirai partir, je sais que je rêverai de toi. Parce qu'il n'y a que toi. Qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. On a perdu. On a tous perdu. On a perdu des amis. On a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie. On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferai si on échoue. Salut ! Y a quelqu'un ? Hey, c'est Scott Lang ! On s'est vu il y a quelques années, à l'aéroport, en Allemagne. J'étais super grand. C'est un ancien message ? Ant-Man ! Je suis sûr qu'on se connaît. C'est la porte principale. C'est moi. Quelqu'un peut m'ouvrir ? Réalisé par toujours Anthony et Joe Russo, d'une durée en figurique de 3 heures, avec un budget de 356 millions, complètement hallucinant. Je crois que c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Au casting, on a donc tout le MCU, en fait, tout le MCU, plus Brie Larson, du coup. Pour le synopsis, c'est tout simple. Dès les 15 premières minutes du film, les Avengers localisent Thanos et le tuent, le décapitent. Et maintenant, ils vont donc chercher à réparer ce que le Titan fou a commis en essayant de revenir dans le passé, trouver d'anciennes pierres d'infinité pour réparer cela et vaincre Thanos une bonne fois pour toutes. Au scénario, on retrouve Christopher Marcus et Stephen McFeely, donc Captain America 2, Thor 2. Photo par Trent O'Palock, musique par Silvestri, toujours. Tu ne l'as pas précisé, mais les deux films Avengers ont été tournés en back-to-back. Ils ont été tournés en même temps. Y a une scène avec la fille de Tony en version adolescente qui a été tournée, où Tony en fait voyait un futur où il renonçait à son sacrifice, mais finalement qui a été coupé au montage. La promotion du film était extrêmement agressive, vraiment une très très très très grosse promotion. Et d'ailleurs une promotion qui tournait autour du principe de ne pas spoiler le endgame. Sur les recettes, alors critique élogieuse pour le film, sur les recettes on est à 2 790 000 000, c'est complètement hallucinant. Et donc voilà, Avengers Endgame, c'est un mastodonte, c'est un événement. Melvin, pourquoi est-ce que tu ne l'aimes pas? Je peux me lancer? Ah, vas-y, fais-toi plaisir, je me permets de noter tes arguments. Vas-y. 3 heures. Non, argument numéro 1, long. Non, déjà, ils font mon gros problème, c'est le scénario. Ils te font un Infinity War qui est plutôt bon. À la fin, il se passe quand même, tous les personnages sont réduits en cendres et tout, et c'est quand même quelque chose d'assez fort émotionnellement. Mais ça sert à rien. À aucun moment, c'est assumé. Tu vois, on tue plein de gens, mais c'est jamais assumé. Et au final, il y aura quoi? 2 morts dans ce film. 2 sur 70. Je m'attendais à quelque chose de plus consistant, quoi, en termes d'émotion et tout. Oui, ok, c'est Iron Man, mais ça suffit pas. Ensuite. Techniquement, il y a 3 morts, t'oublies Gamora. Non, mais dans Endgame, il y en a 2. Ah oui, mais non, bien vu. Elle revient pas, les gardiens 3? Si, mais techniquement, c'est la Gamora du passé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non mais voilà. Attends, t'inquiète pas, je vais y revenir. Vas-y, continue. Donc, 2 morts, puisque ça revient. En fait, tout est désamorcé dans ce endgame. Et c'est ça qui me gonfle. On te fait des trucs, c'est désamorcé. On te tue Gamora, bah on s'en fout, elle revient. On fait ci, ça sert à rien. On fait ci, bah ça change ça. Enfin, tout est désamorcé. Le film commence, il tue Thanos. Au calme. Ils ont fait tout un film à Infinity War, à part réussir à le tuer. Là, le gars, il arrive, bim, coup de tête, et voilà. Je trouve ça un peu facile aussi. Enfin, je sais pas. Et après, le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, c'est quand même un concept que j'adore. Je regardais pas mal de films dessus. Mais alors là, on est dans l'incohérence comme pas possible. Surtout Captain America à la fin, et ça me gonfle. Les incohérences, des fois, je les trouve quand je réfléchis au film après. Pas quand je regarde le film en même temps. Et pendant le film, j'étais exaspéré en fait par le film. Il m'a saoulé. Après, l'autre truc, c'est la mise en scène des Russo. Oui, il y a une grande bataille finale avec je sais pas combien de personnages, on va dire les 60, allez, soyons fous. C'est super mal filmé. C'est super moche. Et on sait pas, il y a Spider-Man qui vole, tu sais pas où il est. Cette espèce de grand désert en plus, c'est infaisable de savoir où est tel personnage. Et encore, j'ai pas parlé de la scène féminine. Je te laisserai l'occasion d'en parler. Oh, moi, j'ai aucun problème avec elle. Hein. Mais ça n'a aucun sens. Ah, le film n'a aucun sens. Tu verras, t'inquiète. En fait, c'est mon problème. Ce film n'a aucun sens. Rien ne tient. Tout est désamorcé. Et le film, ce scénario, même si on vivait dans un monde de super-héros, ne pourrait pas exister. C'est pas possible. Et c'est. Enfin, voilà. Après, j'aime bien le côté où on voyage dans les anciens films. Je trouve que c'est une idée sympa. Mais en fait, je trouve ça très bon sur le papier, quoi. Je trouve qu'à l'écran, ça marche quand même beaucoup moins bien. Entre les personnages qui changent de mentalité d'un film à l'autre et des trucs comme ça, ça colle pas. Mais après, voilà, j'aime bien des détails par-ci par-là. Mais ça fait pas assez pour aimer un film. Voilà. Waouh! Alors. Déjà, moi, pour revenir sur mon vécu avec le film, lorsque je l'avais vu, ça avait été justement le sacré « waouh !» Ça y est, tout est terminé, ça y est. Et donc, j'en étais ressorti globalement très satisfait. Et là, en le revoyant, j'avais assez peur de le revoir. Donc, honnêtement, je me disais « putain, comment ça va marcher, quoi? Est-ce que je vais retrouver les émotions? Est-ce que ça va fonctionner ?» Et ben, je suis à nouveau sorti très satisfait, parce que je m'explique. Alors, en fait, tu parles des persos disparus, et si justement le moteur du film, le cœur du film, c'est la disparition de tous les personnages. Donc, tout le film tourne autour de ça. L'intro du film, tu vois justement le monde qui essaie de se reconstruire autour de ça. Tu vois que certains personnages ont été complètement détruits par ça. Je pense à Thor. Le fait de se servir de l'obésité, de la dépression comme un ressort comique. C'est pas très drôle, parce que genre, il est gros, donc c'est rigolo, bah non. Et, Hawkeye, il a été détruit par ça. La scène d'intro, la première scène, tu vois qu'il perd sa famille en une seconde. Et donc, tu vois que ça l'a complètement affecté, qu'il devient d'ailleurs Ronin à cause de ça. Ensuite, deux morts pendant tout le film. Oui, mais ils peuvent pas, ça reste quand même un blockbuster à grande échelle. Ils ne peuvent pas se permettre de flinguer tout leur catalogue juste comme ça. Et même, après, ce qui est assez dégueulasse, c'est que des personnages comme Black Widow, je vais y revenir, sont complètement sacrifiés sur ça. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Après, tu dis que tout est désamorcé ou quoi? Au contraire, je trouve que le film arrive quand même à avoir une vraie gravité. Il y a, certes, la majorité des situations sont désamorcées grâce au voyage dans le temps, mais malgré tout ça, le film se suit quand même et garde. On disait que Captain Marvel, c'était pas drôle. Là, au contraire, je trouve que ils essaient pas de faire de l'humour facile. Ils essaient pas de faire des blagues toutes les 3 minutes ou quoi. Ça se tient vraiment. Après, le fait de tuer Thanos, ça, entre guillemets, c'était prévisible. Je veux dire, ils pouvaient pas. Je vois très très mal quel autre genre de scénario ils auraient pu faire. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il tue Thanos et il y a un autre Thanos du passé qui arrive et qui fait hey, c'est vrai que les pierres d'infinité, c'est une bonne idée. Tiens, si je faisais ça, je détruisais la moitié de la population. Non. Tuer des personnages, c'est vraiment pas terrible. Non, justement, parce que Thanos, il a déjà en projet de faire ça et il voit qu'il a pu le faire. Il voit que dans le futur, il va réussir à le faire, mais que des personnes vont annuler ça. Et donc, il va intervenir pour empêcher cette annulation. Après, là où c'est dommage de le twister, c'est qu'en fait, il twiste sa façon de penser de « je veux sauver l'univers », ce qui est compréhensible, toujours beaucoup de guillemets, à « finalement, je vais tout flinguer et le reconstruire ». Tu dis « bon, dommage ». Après, moi, ça me… pour le coup, c'est un point noir du film. Sur la mise en scène, au contraire, je trouve que sur le premier, ils n'arrivaient pas à se poser. Là, sur 3 heures, ils ont le temps de se poser, ils ont le temps de à nouveau construire quelques plans. Je pense au plan de Captain America face à l'armée de Thanos, qui m'impressionne toujours quand même. Et au contraire, je trouve, alors, c'est pas dégueulasse comme ce qu'on peut voir ailleurs. C'est pas non plus une masterclass, mais c'est pas ignoble. Vraiment, ça se tient. Moi, je trouve au contraire que ça se laisse regarder. Et la scène féminine, moi, elle me dérange pas parce que je me dis, vos films sont tellement dépolitisés, dépourvus de tout point de vue. On vous en met une, vous êtes content. Et moi, elle ne me dérange pas particulièrement. C'est des personnages que j'aime bien, que je suis content de revoir. C'est pas le fait de mettre plein de femmes au même endroit qui me dérange. C'est que ça n'a aucun sens dans l'histoire qu'ils nous racontent. Tu fais une bataille, je suis désolé, je vais faire oh putain, mes potes, ils sont loin. Je vais les rejoindre juste pour me prendre une pause pendant que tout le monde se fait désinguer. Non. Dans Le Seigneur des Anneaux, Legolas surfe sur des trompes des éléphants. Je rappelle que je n'aime pas Le Seigneur des Anneaux. Oui, mais t'aimes pas les films à grande ampleur. Non, mais surtout Endgame. Non, mais je suis désolé, mais ce voyage dans le temps, ça n'a aucun sens. Moi, ça me sort du film, en fait. Oui, mais à ce moment-là, aucun film sur le voyage dans le temps ne peut vraiment tenir, techniquement. Mais toujours plus que lui. Je suis désolé, mais t'as quand même un quart d'heure de film où t'as l'ancien qui te fait « Oui, mais si tu voyages dans le temps, tu crées une autre temporalité qui fait que ça crée une autre timeline et je sais pas quoi, que tu peux pas revenir dans la tienne. » T'es d'accord avec ça? T'as de la lune, tu crées une autre. Ce qui fait que Loki qui prend le Tesseract, c'est une autre timeline normalement. Et ce qui fait que tout explique pourquoi ça ne change pas dans les films avant. Ok? À ce moment-là, c'est le théorème des univers parallèles. Oui, mais c'est un univers parallèle, grosso modo. À la fin, t'as Captain America qui va remettre les pierres et qui te fait « Non, j'ai choisi de vieillir plutôt que de revenir. » Jamais il peut être ici. Il est censé être dans une autre timeline. C'est pas possible. Et c'est trop gros pour que ça passe. Oui, les films Retour le futur, si tu dis au détail, et ça tient pas comme film non plus. Ouais, j'entends, il est complètement pété. Mais ça se tient beaucoup plus. Et c'est pas gênant. C'est des petits détails. Là, c'est vraiment leur histoire de voyage dans le temps. C'est trop gros pour que ça passe. Il y a des erreurs comme ça. Je les trouve vraiment trop mal écrits. Ah, moi, pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de mal à y croire. Je me dis, ouais, bon, ok, si vous revenez, vous mettez les pierres, écoute, pas de souci, j'y crois. D'autant que ça reste nouveau. Enfin, après, même si sur l'aspect du scénario, là où je t'accorde, c'est que ça fait un peu Lego. C'est-à-dire qu'on a des pièces, on doit les assembler, on les assemble un peu comme ça. Et d'ailleurs, quand les deux scénaristes en parlent, c'est clairement ce qui ressort. Ils disent « Oui, on avait ce personnage-là, on va le mettre là. » C'est clairement des Lego. Mais moi, vraiment, en regardant le film, ce qui me saute aux yeux avant tout, c'est à quel point... Enfin, c'est tout ce qu'ils ont réussi à construire, tout ce qu'ils ont réussi à poser. Et à amener, ça reste quand même un sacré boulot, à nouveau, comme j'ai dit sur Infinity War, mais de recouper, de réunir toutes ces histoires en un seul film. Et moi, en tout cas, sur moi, ça fonctionne. C'est le dernier film Marvel sur lequel je peux vraiment faire preuve d'indulgence. Et même sur les histoires de voyage dans le temps, je me dis, non, ça se tient. Après, à nouveau, sur le voyage dans le temps, à ce moment-là, tout ne tient pas la route. C'est-à-dire, soit tu as les univers parallèles, soit tu as effectivement les timelines, c'est toujours compliqué, pourquoi ça n'affecte pas. Et sur ça, je veux bien laisser faire ma suspension d'incrédulité et faire, je vous fais confiance, si vous le dites. Et sur la conclusion de chaque arc, c'est-à-dire, tu vois Tony Stark qui va se sacrifier, Captain America, il y aura le plan sur son alliance qui, à nouveau, m'a fait lâcher ma larme, toujours. Et toute la scène de bataille de fin, la fameuse scène épique où on voit Howard le Canard, pour la petite anecdote, c'est un moment de cinéma où vraiment j'en garde un souvenir absolument bluffant. Et à nouveau, comme Shane Fisher, est-ce que je peux être objectif? Je ne pense pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment énormément fonctionné, qui a remarché sur moi, de voir tous ces personnages que j'ai aimés, avec lesquels j'ai grandi, ensemble, conclure tous leurs actes, finalement. Et voilà, c'est vraiment Endgame. Je peux voir les défauts, et notamment, évidemment, il est évidemment moins bon qu'Infinity War. Moi, je les vois, les défauts. Ah, mais oui, pas de souci. Mais j'ai quand même vraiment cet attachement au personnage et à toute cette histoire qui trouve enfin une conclusion, au final, qui, sur moi, fonctionne vraiment. Et je trouve que les 3 heures se tiennent, même si on voit quand même un sacré ventre mou lorsqu'il passe notamment par Avengers et par Thor 2. Et je me dis, bien joué. Vous avez réussi à construire et à parachever tout ça. Et d'ailleurs, on verra qu'ils vont un peu galérer à redémarrer après. Moi, je sais que je fais partie de ces rares personnes à pas aimer le film, mais c'était vraiment, je l'ai vu au cinéma et c'est une des séances où je suis sorti, je fais non. J'ai pas aimé. Non, pas de souci, je veux dire, je peux comprendre. Mais, en tout cas, sur moi, vraiment, c'est un film important. C'est un film auquel je tiens beaucoup, malgré des défauts plus qu'évidents. Mais sur les voyages dans le temps, c'est toujours. J'ai toujours du mal à attaquer ça, parce qu'en fait, il faut vraiment juste accepter d'y croire. Parce que... Non, pas celle-là. Celle-là, c'est trop gros. Pas de souci. Ça se tient pas. J'ai réfléchi pendant 1000 ans à l'exemple que je viens de te dire. Ça ne tient jamais. Oui, mais à ce moment-là, rien ne peut tenir. C'est tout le. Mais ça, ça se voit. C'est sympa. Je l'ai vu pendant le film. Les autres, je ne le vois pas pendant le film. C'est en réfléchissant. C'est trop gros pour moi. Oui, mais ce n'est pas pour autant que dans les autres films, ça se tient spécialement mieux. Non, je ne dis pas ça. Et si tu veux, je te dis, Retour du futur, ça ne se tient pas si tu y réfléchis. Mais quand tu regardes le film, ce n'est pas gênant. Ça ne me gêne pas et parce que je n'y pense pas. Et c'est en réfléchissant au film, après l'avoir vu, que je vais faire c'est bizarre quand même. Et je parle de film à peu près bon, hein. Je vais pas parler de Time Trap, cette absolue bouse que tu as vue du coup. Là, rien ne tient. Oui, mais non, ça, on n'en parlera pas. Et là, Endgame, le moment où je te dis la scène de 95 à la fin, j'ai fait non, c'est pas possible. Et ça m'a sorti du film. Ça m'a sorti de la scène qui était quand même une scène assez émotionnelle. Et j'étais là, mais non, je peux pas y croire, ça tient pas, ça va pas avec ce qu'on nous dit pendant le film. Et ça va à contresens, quoi. Mais je me suis dit, pendant le visionnage, au cinéma carrément. C'est ça le problème que j'ai. D'accord, merci beaucoup. Mais quelque chose, à nouveau, moi, quand je vois le film, j'accepte d'y croire, j'accepte d'être embarqué dans cette histoire. Et je t'avoue que vraiment, la scène de fin pour moi, où je vois tous les héros se rassembler, le coup de Captain on your left, moi, ça fonctionne. Et chaque fois que je revois cette scène, je me dis, putain, mais oui, allez-y. Non, vraiment, pour moi, c'est un film. Sur moi, le film fonctionne et j'accepte de me laisser embarquer dans cette histoire, tout simplement. Même si, encore une fois, je comprends tout à fait le fait que tu puisses être totalement hermétique à ça, hein, évidemment. Oui, et comme je te disais, dans Infinity War, je trouve qu'après, il ne sert plus à rien parce qu'on te tue Gamora, elle revient. On te tue Loki, il revient. Et les seuls qui tuent, c'est Iron Man. Et en même temps, on s'y attendait un peu. Et effectivement, Black Widow. Et encore, elle aura un film pour elle. Donc, c'est pour dire, quoi. Non, mais surtout, on peut quand même revenir sur sa mort. Cette mort horrible, quoi. Je veux dire, elle dit, non, mais finalement, je n'ai pas de famille, je dois mourir. Alors que juste avant, elle te disait, non, mais si, j'ai une famille, c'est les Avengers. Enfin, ce personnage s'est fait taper dessus pendant tout le MCU, c'est d'une tristesse assez énorme quand même. Et même, sachant que Joss Whedon l'avait quand même bien salopé dans Avengers 2, hein, donc... ouais, c'est... La mort de Black Widow, émotionnellement, elle fonctionne pour moi. Mais surtout, pour moi, là, elle fait trop... non, mais c'est... Faut s'en débarrasser, c'est-à-dire que, tu vois, aussi, ils ont ramené Gamora, et pourquoi ils ramènent pas Black Widow, tu vois. Donc, c'est... Ouais, la mort de Black Widow me fait un peu... Me fait un peu tiquer, quand même. Voilà, donc on sauve que celle d'Iron Man, qui est plutôt réussie, et puis voilà, et encore, on s'y attendait. Bah, moi, honnêtement, je ne m'y attendais pas forcément de cette façon-là. Mais oui, clairement, elle marchait extrêmement bien. Non, non, voilà, donc écoute, les confidences sur Endgame. Après, Endgame, il y a quand même plein de choses aussi où moi, que je veux sauver. Par exemple, le passage où Tony va voir son père, tu vois, quand je le vois, je me dis, bah, je trouve quand même que ça fonctionne. C'est la dernière apparition de Stan Lee qui est numérisée. Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu... Bon, le fait d'avoir une doublure numérique, bon, c'est moyen. Mais tu vois quand même... Je sais pas, vraiment, ce film a un côté fin d'un cycle que j'ai suivi. Il y avait CO, Seba, évidemment. Je suis la relation toxique, j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode. Mais c'est une fin que j'aime. C'est une fin que j'aime, qui compte. Et... C'est un film que j'aime, malgré ses défauts plus qu'évidents, je l'apprécie beaucoup. Et c'est surtout d'autant plus peut-être le dernier film du MCU auquel je tiens vraiment. C'est-à-dire que même d'autres films, même Iron Man 2, pourtant qui est critiquable à mort, je me dis, bah, je retiens quand même un ou deux trucs, tu vois, c'est vrai. Là, pour le coup, c'est vraiment le dernier film du MCU où je me dis, allez, lui, je le sauve. Après lui, c'est beaucoup, beaucoup plus en freestyle, on va dire. Ouais. Est-ce qu'on s'est... Alors, maintenant qu'on s'approche lentement de la fin, est-ce que tu as une scène préférée quand même que tu retiens? Oui, non. J'aime beaucoup la partie où ils reviennent dans le Avengers 1, parce que c'est le... Je pense le premier que j'ai découvert, vraiment. Et un de ceux que j'ai le plus vu. Donc du coup, bah, ça fait son petit effet, quoi. Mais après, voilà. J'ai pas de scène vraiment préférée en tête. En ce qui me concerne, je t'avoue que c'est vraiment la scène du Avengers Assemble tout à la fin, qui à nouveau va avec l'idée que je disais de conclusion d'un arc, de conclusion de toute l'histoire finalement. Oui, c'est le consensus Twitter. On voit les défauts, c'est pas forcément incroyable ou quoi, mais quand même. Et ça, sur moi ça fonctionne, ce Avengers Assemble de la fin, il met toujours les frissons, il fonctionne toujours sur moi. Et vraiment, cette scène est importante pour moi. Et sur la VF, est-ce qu'il y a des choses à dire, des petits nouveaux éventuels, quelque chose? Non, il n'y a pas de petits nouveaux, pas du tout. Mais petit truc marrant, j'en avais déjà parlé, mais il y a David Kruger qui double Chris Pratt. Et qui double également Frank Grillo dans le rôle de Crossbones. Et il y a Alexis Victor qui double Tom Hiddleston, donc Loki, et qui double aussi Bradley Cooper, donc la voix de Rocket. Let's go! Ok. Et alors sur la musique, la musique elle est bien quand même. La musique elle est vraiment cool. C'est-à-dire que épique, forte, puissante. C'est le thème Avengers qui a été composé pour le 1, mais boosté aux hormones. Donc non, vraiment, c'est très, très, très, très bonne musique. Et donc, on vous diffuse le thème Portals, qui est le thème de l'affrontement final, tout simplement. Le thème Portals par Alan Silvestri. S'approche de la fin, Melvin, est-ce que je te laisse nous parler du chef-d'œuvre, du grand film finalement, du plus beau film du MCU de cette phase? Tu vas être étonné de mon avis, hein. Tu le sais. Non, mais Tu peux pas m'accuser d'aimer Endgame et après. Non. Bah, vas-y, je te laisse en parler et ensuite on en parle. En juillet 2019, la phase 3 se termine avec Spider-Man Far From Home. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Partout où je vais, je vois son visage. Il me manque vraiment. Oui, il me manque aussi. Je ne pense pas que Tony aurait fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été convaincu que tu allais prendre la relève. C'est toi qui remplaces Iron Man ou quoi ? Oh non, pas le temps, je suis trop occupé à faire votre boulot. Quoi ? Non, je rigole, vous assurez. Mais faut continuer comme ça, parce que je pars en vacances. Attention, Nick Fury essaie de te joindre. J'ai pas trop envie de parler à Nick Fury. Allez, réponds. Pourquoi ? Parce que si tu lui parles pas, je vais devoir le faire et j'en ai pas envie. T'as balancé Nick Fury sur la messagerie ? J'ai une urgence, là. Personne ne zappe Nick Fury ! Ça va, les nazes ? Salut. Ouais, on parlait du voyage. Je suis en direct de la place Saint-Marc. Oh, oh, je crois qu'MJ m'aime bien. Ça me rappelle mon premier coup de foudre. Tu n'es vraiment pas facile à joindre, Spider-Man. Je te présente Monsieur Beck. Tu aurais ta place dans mon monde. Votre monde ? Beck est né sur la Terre, mais pas la nôtre. L'effacement a créé une faille dans notre dimension. Vous confirmez qu'il y a un multivers ? Nous avons une mission. Et tu viens avec nous. Je suis sûr que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Thor ? Hors dimension. Captain Marvel ? Indisponible. Je suis que la petite araignée sympa du quartier. Oui, tu parles ? Tu reviens de l'espace. Tu veux quoi, Peter ? Je veux reprendre mon voyage avec la fille que j'aime et lui dire ce que je ressens. MJ, je... Je suis Spider-Man ? Non, pas du tout. C'est franchement super évident. Tu as raison, tu n'es peut-être pas prêt, mais c'est ma responsabilité. Sauver le monde exige des sacrifices. Parfois, des gens meurent. Oh mon Dieu. J'ai toujours le sentiment de mettre mes amis en danger. Le monde a besoin d'un nouvel Iron Man. Est-ce que tu vas assumer ? Je dois vous évacuer, on va prendre le jet ! Vous êtes qui, vous ? Je bosse avec Spider-Man ! Vous bossez pour Spider-Man ? Je bosse avec Spider-Man et pas pour Spider-Man ! Plan B ! Spider-Man Far From Home, donc c'est réalisé par encore John Watts, scénarisé par encore Chris McKenna et Eric Sommers, et à la musique, on a Michael Giacchino, et par contre, à la photo, on a Matthew G. Lloyd, dont je n'en ai pas parlé, qui n'est pas spécialement connu, il a fait la photo du Power Rangers de 2017, et de Projet Almana. Donc... Ben, c'est du voyage dans le temps avec des héros complètement débiles. Mais c'est marrant. Et c'est filmé en... Ah, oh, j'ai le nom à la caméra à l'épaule, tu sais, en caméscope. En phone footage. Voilà. En phone footage. Ben, c'est la suite d'Avengers Endgame. C'est la suite directe et de Spider-Man Homecoming, du coup. Et ça raconte l'histoire de... Il y a quand tout... Quentin Beck qui arrive sur Terre, qui dit venir d'une dimension, je ne sais plus quelle dimension, et a ramené les élémentaires et qu'il faut ben, du coup les battre, en fait, tout simplement. Et voilà. Et vas-y, Corentin, défonce-le. C'est nul. Non, honnêtement. le 1 était chiant, celui-là est peut-être le meilleur de sa trilogie, mais en fait, moi, il ne me fait pas rire. Déjà, en fait, je trouve que le personnage n'est pas drôle, le personnage n'est pas attachant. Et donc, c'est tout de suite plus compliqué, on va dire, de le traîner sur un film de 2 heures. Il y a Jake Gyllenhaal, qui est une excellente qualité. Tout film avec Jake Gyllenhaal mérite le respect. Mais ici, je trouve que le film est complètement insipide et fade. Il veut se donner un air pseudo-cool, mais ça ne marche jamais. La photo est pas belle, les dialogues sont, ça marche pas. Et autant Endgame, à nouveau, il avait quand même ce côté lourd, ce côté vraiment, on accepte de donner une vraie ambiance. Et là, on parle de destruction de masse, de destruction de ville, et c'est toujours en mode, hé, pote, c'est rigolo. Donc, ouais, c'est quand même très compliqué. Honnêtement, je l'ai revu qu'à moitié pour le podcast, j'avais vraiment pas envie de le revoir, hein, pas le temps et pas l'envie. Et juste, je me disais, mais c'est... À quoi il sert, en fait, ce film ? À quoi sert ce film ? Le problème sur la trilogie Spider-Man, c'est que dans le premier film, on te le présente, genre lui c'est Spider-Man. Dans le deuxième film, il fait sa vie, c'est tout. Et le troisième film, il répare sa connerie. En trois films, ce personnage aura été introduit là où d'autres personnages, ça existe en un film, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce film où je me dis, mais merde quoi, surtout que. Twist, donc il devait y avoir les élémentaires et Mysterio. Alors Mysterio est pas mal adapté, ce côté illusion est plutôt bien utilisé, mais j'y crois pas, ça marche pas. Et même le plan séquence, entre guillemets, numérique de Spider-Man dans la tête de Mysterio, c'est dégueulasse quoi, faut arrêter. Donc non, ce film, non, c'est un gros non pour moi. Vas-y. Non, mais tu peux pas adapter Mysterio en mettant Jake Gyllenhaal. Mais Jake Gyllenhaal peut tout jouer. Parce qu'il a beaucoup trop de charisme. Tu vois. Mysterio est censé ne pas avoir de charisme. Bah si, en tant que tel, il y a quand même certains arcs où ça fonctionne pas mal. Oui, non, mais c'est plus pour dire qu'autre chose, parce que le film, je trouve qu'il a beaucoup de défauts, effectivement, notamment Spider-Man, en fait. C'est vraiment le défaut, c'est Spider-Man. Mais après, je trouve qu'il y a quand même quelques qualités par rapport aux autres Spider-Man. C'est qu'il y a beaucoup de décors, ça voyage en Europe et tout. Ça fait du bien de voir autre chose que New York, au bout d'un moment, que New York ou des planètes dans l'espace. Et il y a quelques idées qui fonctionnent, comme tu dis, le fait que ce soit des illusions. Je trouve ça toujours complètement con que ça détruit tout et personne ne s'est rendu compte que c'est juste un hologramme. Je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Oui, tu vois, par exemple, tu tapes à nouveau sur les voyages dans le temps dans Endgame, mais ça, le coup des hologrammes me flingue beaucoup plus, en fait. Genre, le coup des hologrammes... Ah, mais j'ai pas dit que c'est... Il y a personne qui a réfléchi ou qui a ouvert les yeux une demi-seconde pour voir ça. Donc, mais après, il y a deux, trois idées pas mal. Les scènes d'action sont pas si mal filmées que ça, par rapport à d'autres films. Je dis pas que c'est bien filmé, mais je dis que je m'attendais à pire. Mais par contre, un truc qui me gonfle, c'est vraiment les personnages. La relation entre Tom Holland et Zendaya, j'ai jamais vu un truc aussi niais dans le MCU que ça, quoi. C'est terrible. Avec le jeu sur « j'ai découvert Spider-Man, je t'aime moi non plus », enfin c'est effarant. Oui, non, pour le coup, entre les deux, il y a une espèce de pseudo-jeu de chat et de la souris, et dans le 1, elle était infernale, ici... Bah, elle n'est pas attachante. Dans le 3, un chouïa plus, mais là, ils font juste leur vie, et comme c'est des personnages que j'ai pas envie de suivre, moi j'ai un peu l'impression d'être, tu sais, genre devant un pote qui te montre son film de famille, sauf que t'es pas assez pote avec lui pour vraiment avoir envie de voir son film de famille, donc tu dis juste, ouais, bon, bah, ok, si tu le dis, quoi, vous vous êtes amusé, bah, tant mieux pour vous. Hein, ouais, un peu compliqué. Un King gonfle, c'est Ned aussi. Je trouve qu'il sert toujours à rien. C'est pareil. Oui, et, non, mais Ned, c'est un running gag. Quoi. À l'aide. Globalement, les personnages de son Spider-Man ne marchent jamais. Enfin, dans cela, c'est triste à dire. C'est quand même un de mes super-héros préférés, mais ça marche pas. Mais je retiens quand même que voilà, ça voyage. C'est pas trop mal fait non plus à certains moments. Il y a quelques idées par-ci, par-là. Idées, t'es quand même vachement sympa, hein, parce que... Et je le trouve plus marquant que Captain Marvel, tu vois. Je trouve qu'il y a des scènes plus marquantes, les scènes d'action, je les trouve un peu mieux. Le film, il sert peut-être à rien, mais il est toujours plus utile que Captain Marvel. Et... Bah, et c'est pas un mythe par-là. C'est pas un mythe quel. Mais voilà. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Un personnage, moi, qui me gonfle, et tout le monde aime bien, sauf moi, Happy Hogan. Non, il n'est pas cool. Hein. Ce type, il est là pour faire des blagues. Il ne sert à rien d'autre dans tous les films. C'est incroyable. Je sais pas, je le vois, je fais « Non, je veux pas qu'il soit là. Tuez-le. Je sais pas. Ressusciter Iron Man avec son cerveau à lui. Comme ça, on le tue. » Mais non, il est encore là. Bah, il est juste là pour servir de père de substitution à Peter, enfin Dr. Peter, après la mort d'Iron Man. Du coup, il aura fait... Il sera profondément marqué par ça, mais ouais, c'est quand même assez rapidement évacué quand même. Non, au global, ce film, hein, juste, je me dis, bah, je m'en fous un peu. L'avantage, c'est qu'il y a Jake Gyllenhaal. Ça, je me rappelle de Jake Gyllenhaal dans le film. Mais ça sert juste à préfigurer No Way Home qui... C'est un peu comme niveau, genre moi je le mets à peine au-dessus de Captain Marvel, quoi. Vraiment, je trouve le film très insipide et vraiment il se veut cool, il se veut rempli de petits trucs un peu rigolos, hein, des petites plaisanteries ou quoi, mais sur moi ça ne fonctionne jamais, en fait sur moi ça ne fonctionne absolument jamais. Donc ce film pour moi c'est un non, je ne valide pas Spider-Man Far From Home. Ouais, moi non plus, mais je m'en fous un peu, en fait. Après, en fait, ce qui me rend triste, c'est que limite, son personnage a plus d'intérêt dans des films comme... dans les films où il est, entre guillemets, annexe, que dans ses films à lui. C'est quand même un peu dramatique, quoi. Je veux dire, quand on arrive là, c'est que tu peux te dire, ouais, non, bah, écoute, tu as raté ton film, quoi. Ce personnage n'amène à rien. Ce personnage dans ses propres films ne sert à rien. C'est dramatique. C'est dramatique. Je reconnais juste quand même un truc qui m'a fait beaucoup rire et que je trouve quand même très intelligent, c'est la bande-annonce qu'ils avaient fait. Où dans la bande-annonce, ça parlait de multivers et tout, et tous les gens s'étaient affolés. Oh, c'est le premier film sur le multivers, ça va être génial, tout ça. Rien à voir. Quand tu vois le film qu'on a eu quelques années plus tard sur le multivers, je me disais, oui, bon, ils auraient aussi bien pu... Ouais, mais juste, ça me fait rire de comment ils manipulent les bandes annonces. Ça me fait beaucoup rire. Ah oui, non, clairement, les bandes annonces Marvel, c'est un art, hein, parce que, genre, je veux dire, ils arrivent à jouer avec les attentes du public et en même temps, à mélanger ce que le public veut et ce que le public attend. C'est quand même assez impressionnant. C'est vrai que je sens cette hype qu'il y avait autour du multivers. C'était assez fou. D'ailleurs, on l'aura retrouvé à peu près sur No Way Home. Oui, pour pas grand-chose au final. Mais oui. Pas grand-chose du tout. Est-ce que quand même est-ce que tu gardes une scène en particulier du film? Eh bien, quand il est dans la tête de Mysterio. Parce que... Ça m'énerve parce que c'est les faux plans séquences comme ça où tout le monde va commencer à s'affoler et moi à chaque fois je suis en mode mais putain mais c'est une scène qui n'a pas été faite par John Watts d'ailleurs. C'était une scène qui a été faite par un studio à part exprès et ça se sent et non c'est juste que je l'ai... En fait c'est nivelé par le bas mais tu mets ça dans un bon film, je t'aurais pas dit cette scène, tu la mets dans ce film, je trouve que ça marche très bien et c'est un peu impressionnant par rapport à ce vieux combat sur le pont à la fin quoi. Voilà. C'est complètement nivelé par le bas. Hein. Mais après, oui, non, je... Oui, mais je suis conscient. Hein, mais... Non, mais je vois où tu veux en venir. À la limite, je suis à peu près d'accord. Et non, pour moi, une scène préférée, je te dirais... à la limite, le coup de... Le générique de fin. Déjà, oui. Non, je te dirais quand Mysterio est sur le pont. Tu sais que ben, Jake Gyllenhaal, c'est clairement pas son meilleur rôle. Hein. Il est clairement un petit peu en roue libre. Mais au moins, on sent qu'il s'amuse. Au moins, on sait que l'un des deux s'amuse, on va dire. Et là, quand il est complètement en roue libre, parce que c'est du Jake Gyllenhaal, en fait, et que bah, forcément, c'est cool, du coup, à voir. Mais ça va pas très, très loin. Ça va vraiment pas très, très loin. C'est un petit peu triste, on va dire. Un petit peu triste, quand même. Sur la VF du film, est-ce qu'il y a des choses à dire? Et sur Jake Gyllenhaal, c'est Rémi Bichet, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui est donc sa voix habituelle, qui est aussi la voix de Mark Ruffalo, et qui est aussi la voix de Cillian Murphy. Mark Ruffalo, y compris dans les Avengers ? Oui, surtout dans les Avengers, en fait. Et du coup, ça a fait bizarre quand j'avais vu, pour une petite anecdote, quand j'avais vu Zodiac. Parce que dans Zodiac, Rémi Bichet, il y est pour, sur Jake Gyllenhaal, mais pas sur Mark Ruffalo. Du coup, tu dis, je ne connais pas cette voix. Mais c'est qui, ça? C'est bizarre. Mais voilà, c'est le point faible de la VF. Hein. Tu ne peux pas faire un même doubleur sur tous les personnages d'un film. Ça serait très bizarre. Bah, clairement. Mais donc, merci beaucoup. Et alors, sur la musique, moi, je sauve la musique des Spider-Man. J'aime bien la musique des derniers Spider-Man. Je trouve le thème assez entraînant. Et donc, on vous diffuse simplement le main theme de Spider-Man Far From Home, qui est composé par Giacchino, c'est ça? Oui. Qui n'est pas son meilleur non plus. Hein. Non, pas son meilleur, mais moi, j'aime bien le thème des Spider-Man. Je trouve qu'il arrive à donner une identité au film, là où tout le reste n'y arrive pas. Donc, je me dis qu'au moins, là, il y en a une. Et donc, on vous diffuse ça. On a terminé sur cette troisième phase. Pour toi, Melvin, on a compris que cette phase était globalement donc la phase de l'échec quand même. Mais est-ce que tu en retires malgré tout quelque chose de cette phase? Et j'en retire que c'est la fin d'une ère. On lit tous ces films dont tu as parlé avant pour arriver à ça. Et ça, j'admets que c'est réussi et que c'est même impressionnant de voir comme tout a été pensé. Oui, notamment donc dans Endgame. Oui, c'est dans Endgame, c'est quand même de revenir dans les anciens films et tout ça, c'est vraiment très bien trouvé. C'est intelligent, en fait. C'est bon, j'ai réussi à te faire cracher le morceau que le côté apogée a fonctionné, c'est bon. Mais j'ai jamais dit que ça n'avait pas marché, c'est juste que ça aurait pu être mieux fait, mais voilà, c'est vrai que quand même, penser à tout ça, c'est... Attends, je voulais juste l'entendre dire pour mon ego. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je retiens, parce qu'au niveau qualité de film, on n'est pas trop là, je trouve. Mais voilà, je voulais souligner quand même la prise de risque que c'était de créer un univers comme ça, et c'est réussi, et en espérant qu'il fasse pour la suite surtout, la même chose. Surtout, il suffit de voir la concurrence, on va dire, par exemple DC ou quoi, qui ont essayé et qui se sont enterrés, en fait. Aujourd'hui, le DCU, on aimerait que ça reparte pour eux, hein, mais ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Oui. Moi, en ce qui me concerne, sur cette phase-là, je suis entièrement d'accord avec toi, même si je suis un peu plus sympa sur la qualité des films. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment la fin d'une ère, mais beaucoup. Et c'est les derniers films, à nouveau, je répète, où je me dis « Ah, ça, c'est cool ». Je me dis où je... qui représente vraiment quelque chose pour moi, parce que les suivants seront beaucoup plus seront beaucoup moins bien, en fait, tout simplement. Je trouve que ces films là notamment Endgame sont les derniers gros films de Marvel auxquels je tiens, et ce côté fin d'une ère, tu ne l'auras jamais plus. Tu verras, c'est normal, ils n'ont pas encore construit toute la suite, mais je trouve qu'on l'a perdu, et qu'on l'a perdu vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette ampleur que pouvaient avoir ces films. C'est-à-dire que malgré tout, dans des films comme Endgame, comme Infinity War, ou même dans Les Gardiens d'une certaine façon, tu sentais que quelque chose se préparait, tu sentais que ça prenait en ampleur et que peu à peu, ça allait monter, tu vois, que ça allait exploser au bout d'un moment. Et là, on n'a jamais ça. On n'a absolument jamais ça. C'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup, ce côté. On sait que ça va quelque part. On sait que ça va aller quelque part. Il y avait une ligne directrice, il y avait un objectif. Aujourd'hui, l'objectif est atteint. Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose au final. Et là, aujourd'hui, on a quoi? On a Moon Knight, on a toutes les séries comme ça qui sont vraiment, que je trouve assez insipides. C'est vraiment assez dommage. Après, pour moi, c'est ça que représente cette phase, tu l'as dit, et je ne peux qu'approuver. C'est la fin d'une ère, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, finalement la fin de 10 ans de domination qui aujourd'hui doivent se diversifier. Aujourd'hui, donc c'est la télé, c'est des trucs un peu plus communautaires peut-être. Donc voilà. Et est-ce que éventuellement, donc vu que le premier épisode est sorti la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, la semaine passée, est-ce que, alors, on l'a vu tous les deux, et là pour le coup, je sens que ça va être un petit peu l'inverse de Endgame. Est-ce que tu veux nous parler du premier épisode de Miss Marvel que tu as vu? Oui, en une phrase. J'adore le côté, dans le film, le côté très visuel et très visuel tout court, avec une relation un peu qui part dans tous les sens et des images incrustées. Je suis servi dans Miss Marvel, mais ça sert à rien du tout. C'est vraiment inutile. J'ai l'impression que c'est le réel, enfin, je ne sais pas qui est le réel, hein, mais carré. La prod leur a fait un petit cahier des charges, tu dois faire un truc qui claque. Et voilà. Et il fait ça. Il regarde son petit montage, transition et tout. C'est stylé, je fais ça. Je pense notamment à un plan, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, où il y a Miss Marvel sur son toit et c'est Bruno, il s'appelle, je crois. Oui, son, oui. Son ami, et le plan est penché. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Je suis en train de voir, c'est la même personne qui a écrit Loki ou Sex Education. Tiens. Mais voilà, sinon, mais après, ça me rend curieux. Ce qu'ils ont fait des pouvoirs de Miss Marvel par rapport aux comics peut être intéressant. Et j'ai envie de voir où ça va mener, quoi. Bah, en ce qui me concerne, je trouvais ça infernal. C'est-à-dire, je trouvais ça ultra putassier, le côté regarde, on est trop cool. Et en fait, bah, c'est plus qu'inutile. Je veux dire, c'est grave de voir un truc construit comme ça et qui sert autant à rien. Donc non, pour moi, Miss Marvel, c'est vraiment extrêmement énervant. Je pense qu'elle est en bonne course pour après, il n'y a que le premier épisode. Mais elle est quand même en bonne course pour, globalement, pour la pire série Marvel. Non. Moi, j'y crois. Non plus. J'y crois. Moon Knight, t'as vu Moon Knight? Il me manque encore le dernier épisode. c'est naze, je veux dire, c'est... éclaté. Je veux dire, le meilleur épisode, c'est le cinquième, mais c'est grâce à son acteur, c'est pas du tout... Il sauve la série, quoi. Enfin, il sauve, entre guillemets. Non, pour le coup, la phase 4, je suis beaucoup plus... Enfin, tu vois, le seul film que j'ai envie de me refaire, c'est le Doctor Strange, mais parce que ça tourne autour de Lizzie. Tu vois, moi, c'est Shang-Chi. Non, je déconne. Oh putain, Shang-Chi, là, avec, avec la fin Dragon Ball, là. Non, vraiment, c'est quand même assez dramatique. C'est... Donc voilà, pour moi, jusque-là, je pouvais être déjà... Jusque-là, je me connais que beaucoup de mes discours sur Marvel étaient en mode je vois tout ça, mais j'aime bien. Mais parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi et quelque chose auquel je tenais jusque-là. Et à partir de là, non, là, je suis un peu plus en mode ouais, niquez-vous globalement, tout simplement. Donc, non, pour moi, Miss Marvel, c'est un non pour l'instant. Après, peut-être que ça s'améliorera. Mais après, ce qui est cool, c'est de mettre en avant des héroïnes un peu différentes. Le côté communauté est bien mis en avant, même si c'est un petit peu putassier par moment. Donc, à voir. Donc on s'approche de la fin. Est-ce que tu as éventuellement une reco, une ou deux ou trois ou quatre, comme tu veux. Je ne veux pas qu'on les classe d'abord. Bien vu. Alors oui, ça m'était sorti de la tête. Alors, puisqu'on fait ça ensemble, sachant que j'ai un petit coup d'avance vu que la dernière fois je t'avais laissé le Black Panther. Je sais où ça va aller. Je sais. Ah tu le vois venir. Qu'est-ce qu'on met tout en bas? Est-ce qu'on est d'accord qu'on met le Spider-Man? Ah non, moi je mets Captain Marvel. Captain Marvel. Bah, comme j'ai dit, je m'en fous, je l'aime pas, je le déteste pas, donc ok, on met Captain Marvel tout en bas. Au-dessus, on met le Spider-Man. Oui. Ok. Donc maintenant, il nous reste Endgame, Infinity War, et... De toute façon, tu sais déjà que Ant-Man 2 bat Endgame pour moi. Oui, et tu sais que pour moi, j'ai envie de mettre Endgame tout en haut. Ouais. Ça, donc, vas-y, Infinity War, vas-y, si tu veux. Bah, je veux pas Endgame tout en haut. M'en fous, tu mets Ant-Man 2 tout en haut, mais tu mets pas Endgame. Je suis prêt à tout pour pas mettre Endgame en haut. le deal. Si on met Infinity War en haut, Endgame puis Ant-Man 2. Non, mais je trouve. Fin... Parce que Infinity War se tient mieux que Endgame. Endgame, je l'aime pour mon attachement émotionnel. C'est pour ça que je propose un compromis. Tu me laisses Endgame en deuxième place et on met Infinity War tout en haut et Ant-Man en troisième. Incroyable, moi qui croyais qu'Ant-Man finirait premier. Bah écoute, j'ai voulu... Mais Alors que je le préfère à Endgame. Oui, mais l'honnêteté m'oblige à dire que Infinity War se tient mieux. Après, si tu insistes, on fout Ant-Man tout en haut. Non, devant Endgame, moi, c'est tout ce que je veux. Oh, salopard. Non, donc pour l'instant, on s'en tire avec Infinity War, Endgame, Ant-Man, Spider-Man et Captain Marvel. Alors, sachant que sur les prochaines parties, donc, on va avoir un peu plus de matière, entre guillemets, à classer, à voir, puisqu'on a les séries, donc, prochainement. Je te propose directement, si on commence à couper ça en plusieurs parties déjà, parce que, bon, la phase 4, c'est quand même un petit peu long, comment est-ce qu'on sépare ça? Donc, je rappelle, pour l'instant, ce qu'on a en film et ou série autour de ça, on a donc Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man, le Docteur Strange. Pour l'instant, c'est ce qu'on a qui est sorti. On devrait avoir normalement le Thor pour le dernier épisode. Ouais, le Thor pour le dernier épisode. Mais à ne pas oublier qu'à côté, en série, donc, on a quand même WandaVision, Falcon, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight et donc le She-Hulk et Miss Marvel. Enfin, She-Hulk, on aura... Non. Ouais. Mais Miss Marvel, a priori, sera terminée. Si on fait un ordre chronologique, si on est d'accord, il y a 6 films et 7 séries, on est d'accord? Ouais, pour l'instant, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, six films et 6 séries parce que Miss Marvel est encore en cours. Donc ça fait du... Il faut faire du 6. Donc si on fait l'ordre chronologique, le mieux à faire, c'est WandaVision, le Faucon Soldat d'Hiver, Loki, What If, Donc en film, on prend Black Widow, Shang-Chi et les Éternels? Non, que Black Widow et Shang-Chi. Ok, c'est l'ordre chronologique. Le dernier épisode. C'est l'ordre chronologique parce qu'en fait, donc les Éternels, c'est 5 novembre. Bien vu. Et What If et Hawkeye, c'est le 24 novembre et What If, c'est le 11 août. Donc okay. En fait, l'ordre chronologique, ça fait WandaVision, Faucon, Loki, What If et les deux premiers films, Shang-Chi et Black Widow. Tu veux pas essayer de mettre les Éternels dedans parce qu'après on aura quand même le Spider-Man, le Doctor Strange, Thor, etc. Oui, après ça fait un épisode avec Moon Knight, Miss Marvel qui sera peut-être pas fini, Hawkeye. Ouais, je suis désolé, mais No Way Home, moi je tiens pas longtemps dessus. C'était pas Ok, on garde les Éternels pour après du coup. Et donc on s'arrêtera sur What If. Donc ça nous fera un épisode quand même plutôt conséquent pour. L'avant-dernier épisode autour du MCU, même si je pense que ça deviendra un format où on devra se tenir à jour régulièrement. Voilà. Mais, donc déjà, merci beaucoup à nouveau. Même si ta disgrâce pour Endgame m'a fait mal au cœur. Après, évidemment, pour des raisons qui sont évidemment valables. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Est-ce que tu veux déjà donner le nom du réalisateur qu'on va faire dans 2 semaines? Mais si on fait 2 réalisateurs du coup. Exact. Dont j'ai oublié le nom. On fait Bibo Bergeron, qui fait notamment Un Monstre à Paris, et 2 autres films, avec son Gang de requins et En route. Sachant que Gang de requins, j'ai très très peur de le revoir. Et alors, les autres réalisateurs, je te les donne. C'est un duo pour le coup, mais qui bossent ensemble, donc on triche un petit peu. C'est Tim Johnson et Patrick Gilmore, donc qui sont connus pour avoir fait le chef-d'œuvre qui est Sinbad et la légende des 7 mers, qui est un film, tu vois, pour le coup, je mourrais sur une colline pour le défendre, mais tous les jours. Et qui ont, à côté, ont également fait des chefs-d'œuvre du cringe, comme Fourmise, Home en version originale, c'est quoi? C'est En route? Ah oui, c'est eux, En route. Et Nos voisins les autres, du coup. Nos voisins les hommes, qui est aussi un bon truc. Après, ils ont fait des courts-métrages, notamment pour Dragon ou pour Kung Fu Panda. Mais ça, on en parlera quand on fera les sagas, plutôt. J'ai jamais vu les courts-métrages, j'essaierai de les regarder éventuellement pour voir. Mais donc voilà, j'espère surtout que Sinbad et la légende des 7 mers te plaira. Je défendrai Fourmise, surtout. Fourmise, j'en ai un souvenir très très cringe, je te mens pas. Moi, je le soutiens. Non, mais écoute, vois Sinbad, tu verras ce que c'est qu'un vrai film d'animation. Et voilà, et c'est Gang de requins et La Route d'Eldorado de Bibo Bergeron. Alors, La Route d'Eldorado, je ne l'ai jamais vue, mais tout le monde en parle comme une petite merveille. Donc, Oui, c'est voilà, du coup, je le vois. Ça fait partie des deux trucs qui me font vraiment envie en animation que j'ai jamais vu avec Le Prince d'Égypte aussi. Oui. Je n'ai pas vu non plus. Il faudrait que j'essaie de jeter un œil là-dessus. Est-ce qu'avant de rendre l'antenne, tu as éventuellement une recommandation à faire? Oui, je vais changer un peu. J'ai parlé Lego pour une fois. Et parce que donc il y a les 7 Buzz l'éclair qui sont sortis il y a quelques temps. Comme d'hab, avant les films, c'est une stratégie marketing que je comprendrai absolument jamais. Et il y a le 7, alors j'ai pas le numéro soin, c'est 76852, je crois, qui est en fait une figurine de Zorg, le méchant du film, avec les figurines de Buzz l'éclair. Et c'est vraiment sympa. Et les figurines sont magnifiques. La figurine de Buzz l'éclair avec un petit jetpack et tout, c'est vraiment une belle surprise. Après, Lightyear, top 1 de ton attente 2022? Non, non, non. Il y a le prochain Richie et à couteau tiré 2. N'abusons pas. Top 3 du coup. Putain, et non, là, sur le... il y a Fincher où il y a des trucs comme ça et Lightyear top 3. Et oui. Et Super Mario aussi. Oh, j'attends non. beaucoup de suite. Ah, ça jamais, ça jamais. Et donc voilà un set que je conseille. Après, il y a le set plus grand, le 7851, du coup, sûrement, qui est un vaisseau spatial qui a l'air très très bien, mais la figurine n'est pas verte comme Buzz l'éclair. D'où le fait que j'achète l'autre. Voilà, voilà. Ok, bah merci beaucoup, je noterai ça. Alors moi, une reco que j'ai, c'est un film que tu connais, moi je reste toujours sur les films, c'est un film que tu connais, et c'est The Vices de Marjane Satrapi, qui est un film alors, qui n'est pas forcément incroyable, en fait, en le revoyant, je me suis dit, j'en avais un souvenir vraiment golden, et finalement, c'est sympa, mais il y a même quelques trucs où tu te dis, bon, ouais. Mais la incroyable. Scène du cerf qui se fait percuter par une voiture et qui fait ah, tue-moi, ça m'a fait tellement mourir de rire. Puis en gros, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je le mettrai en reco, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Le générique, c'est un des meilleurs génériques que j'ai jamais vu de ma vie. Ah oui, avec ah, Jésus. Et l'autre film que je peux recommander, dont j'ai un souvenir plutôt. Plutôt chouette, toujours, on va dire. C'est, alors, donc ça c'est alors, évidemment, entre guillemets, un film sur Shadows, c'est The Furies de Tony D'Aquino, qui est un film australien, il me semble, qui est une espèce un peu de Death Game. Il me semble que j'en avais parlé dans l'émission, je ne me rappellerai plus trop sur l'épisode, mais qui est un film où on va donc suivre une femme qui va se retrouver trouvée prisonnière dans une arène avec d'autres femmes traquées par des tueurs. Le film réserve son petit lot de surprises, il y a du gore assez méchant par moment, il y a vraiment des trucs assez craspec. Non, c'est une petite bisserie, c'est plutôt sympa, ça se regarde bien, c'est sur Shadows. Alors ça disparaît le 20 juin, donc si vous voulez le voir, foncez. Donc voilà, c'est un petit film plutôt sympa. J'essaierai avant le 20 juin. Ah mais juste, ça se regarde bien, c'est vraiment, c'est assez court, ça dure un petit peu moins d'une heure 20 il me semble. 1h22, voilà, mon temps parfait. Ah mais voilà, et pour le coup, ça se regarde bien, on s'embête pas. Vraiment, c'est un film que je recommande, c'est plutôt bien troussé. Je connaissais pas du tout le réalisateur, mais à voir ce qu'il propose. Après, alors, la fin est pas terrible, il y a une espèce de double twist qui est un peu pété, mais qui est vraiment pas mal. Bah, donc voilà, on va rendre l'antenne. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. On vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux, à partager le podcast autour de vous, mettre des bonnes notes, des commentaires ou autres. Et on se dit à dans 2 semaines. Dans 2 semaines.